C'est fou! 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Catherine Langlois s'emportera comme toujours avec sa chronique voyage. Et on se prendrait une petite portion pour apporter dans une grosse pointe à l'adresse. Ah, assemblage requis, commence tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis. En ce jeudi 2 novembre 2017, on est à 176 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Encore une fois, ce matin, c'est noir. C'est noir, c'est froid. C'est, on dirait que c'est plus noir qu'au début de la semaine. Ça n'a pas de sens et en plus, c'est super mouillé aujourd'hui, donc j'arrive avec les beaux cheveux trempés, c'est le fun. Pas de Mathieu, hein? Quand est-ce que tu vas apprendre qu'il faut que tu t'achètes un parapluie? Il est dans mon panier Amazon depuis quelques semaines déjà. Il attend le budget. Faut que tu payes sur payer. C'est ça, exact. Je peux pas. Ah, tu sais, j'ai des dépenses des fois dans la vie, comme genre des nouveaux jeux vidéo. Oups. Oui. Me suis enfargé sur l'achat d'un jeu vidéo. Écoute, c'est tellement plus pratique qu'un parapluie. Mais je crois que les étudiants de l'UQTR me comprennent là-dedans. Oui, mais tu sais, portes-tu un capuchon? Des fois. Pas comme pas ce matin. Pas ce matin. Ouais, c'est ça. Ça dépend, hein, Après ça, le gars, il est surpris qu'il manque de voix, genre, ouais. Qu'il tombe malade. Ça arrive, hein. Oh là là. Pas très sage, Tania. Toi, t'es une fille sage. Ça dépend en quand. Ça dépend en quand. T'as deux chroniques aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui est sage là-dedans? Est-ce qu'il y en a une où tu nous parles de choses gentilles? Bien, écoute, il y en a qui est peut-être pas nécessairement comme ça, mais on s'enligne vers quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Eh hey boy, c'était long, ça voulait rien ouais, dire, ça. Oui, je sais, hein, c'est bon. C'est comme une perte de cerveau, là, j'imagine. Je dis n'importe quoi, blablabla. Mais non, mais comme à chaque jeudi, je vais faire le tour de l'actualité, donc j'imagine qu'à un certain point, ça peut être sage. C'est le fun. Ben, c'est sage de se renseigner sur ce qui exactement. Se passe dans le monde. Exactement. Donc j'imagine que ça peut avoir un lien. Puis sinon, bien, si jamais il arrive quoi que ce soit d'autre, j'ai en poche... petite chronique surprise. On aime ça. On aime ça, les petites chroniques surprises, parce qu'aujourd'hui, on a juste une chroniqueuse, c'est Catherine Langlois, à 8h30, oui. Pour sa superbe chronique Voyage. Elle nous fait voyager, mais dans un pays inconnu de la plupart. J'ai tellement hâte de voir où on voyage ce matin. Moi aussi, jusqu'à maintenant, c'était vraiment original comme choix. Oui, de... c'est vrai. De ville et de pays. Aussi, aujourd'hui, on a une grosse pointe d'adresse, bien sûr, en fin d'émission, et si tout va bien, une invitée surprise là-dedans aussi. Mm-hmm. Si tout va bien. Ouh. Mm-hmm. On va voir. Je viens de réaliser c'est qui ton invité surprise. Ouais, t'étais là quand on a invité, mais ok, c'est moi qui n'ai pas de demande. Pendant un instant, j'ai vraiment été surprise, ça fonctionne. Yeah! Mais on commence avec une fille qu'on aime beaucoup, c'est la bronze. La voici en train de danser par en dedans. Assemblage requis tout de suite. Tu m'as aimé dans un bain de sang. Tu nous as léché avec tes crocs coupants. Tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu. Je suis retournée aimer, c'est La bronze, on danse par en dedans, ça en passe des choses par en dedans. Oh là là! Maintenant, toujours assemblage requis, c'est le moment de faire son foutu palmarès. Je t'emmerde! Sauf foutu palmarès, la chronique, on est allé une liste sur un sujet plus ou moins précis, Tania. Oui! Oui! Original. De quoi tu nous parles? Hey, je continue sur l'Halloween! Ben, ah ouais? Ouais! Ça vient tout avec une thématique, ben, ça, bien évidemment. Choix. Je suis pas de même, moi je suis pas là, tu vas faire n'importe quoi, là. Hein? Non, je me suis dit, c'est la semaine de l'Halloween, donc on va terminer sur une bonne note. En mélangeant l'Halloween et des choses qui ont rapport avec l'Halloween, comme le chocolat, les bonbons. Et dans ce cas-ci, entre autres, une citrouille, mais pour les 10 plus gros fruits et légumes du monde. Oh, d'accord. Ouais, un peu partout dans le monde, là, il y a des gens très, très, je sais pas, courageux, je dirais, qui travaillent toute la journée à cultiver les plus gros fruits et légumes pour faire des concours. Hein. C'est vrai. Donc, il y a quelques petits records homologués qu'on présente aussi. Chaque année, en septembre, depuis le début du 20e siècle, des jardiniers de l'extrême se retrouvent à Harrogate, au Royaume-Uni, pour présenter des légumes qu'ils ont cultivés tout un été avec tellement d'amour. Le Giant Vegetable Competition est un rendez-vous incontournable pour de nombreux Britanniques qui sont férus de jardinage. On peut y voir les plus gros ou les plus longs légumes du royaume, voire du monde. Et depuis les débuts de la compétition, plusieurs records mondiaux ont été établis, tels que celui du plus gros oignon à 8,47 kg. Et partout dans le monde, ben, y en a d'autres, non seulement le plus gros légume, mais le plus gros fruit. Donc allons-y avec, pour commencer, le chou-fleur le plus lourd du monde. Son nom est associé à 5 records du monde de gros, très gros légumes. C'est de la ferme de Peter Glazebrook, située à Hallam, dans le Nottinghamshire. Sont sortis les plus gros, les plus longues betteraves au monde, mais aussi les pommes de terre, oignons et chou-fleurs les plus gros et les plus lourds. Pour ce dernier, c'est un spécimen de la variété Darwin qui détient le record du plus massif que la Terre ait jamais porté, homologué au record Guinness à 27,48 kg. C'est 20 fois le poids ordinaire. Oh boy! Wow, les amateurs de gratin de chou-fleur pourraient en manger tous les jours. J'aimerais ça, moi. Ah, t'imagines, t'en as besoin de juste un pour comme une année complète? Nourrir un village. Si c'est pas plus? Ouais. Le Nottinghamshire, dont on vient de parler, est une terre fertile où poussent les plus gros légumes du monde. C'est de ce comté que vient l'interminable carotte de Joe Atherton, 6245 mètres de longueur. Hein? Oui, je sais. 6245 mètres? Attends un petit peu, là. 6245 mètres de longueur, oui. C'est 6 kilomètres, ça? Oui. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. C'est une très longue racine. Tu vois la photo en dessous? Ouais. La très longue racine. Aïe, aïe. T'imagines tirer là-dessus? Good luck! Lors de sa présentation au National Giant Vegetables Championship de Malvern, au Royaume-Uni, en 2016, elle a pulvérisé le précédent record du monde depuis 2007 avec 5841 mètres. Aïe, aïe. C'est incroyable! Au début, je me suis demandé si c'était pas genre... juste 6, des racines. Non, 6,245 mètres, non? Mais non, c'est vraiment 6245. La plus grosse carotte du monde, record depuis 2014 par Pete Glazebrook, encore une fois, le jardinier de légumes géants, 9,1 kg. Le plus gros poireau du monde. Et c'est vraiment gros, ouais. On dirait un palmier. J'avoue, on se croirait, je sais pas... en Floride. À Miami, exactement. Exact. Poireau cultivé par Paul Rochester, 10,5 kg. Son secret, c'est les recettes transmises par son père et le best-of de Glenn Miller qui leur fait écouter toute la journée. Ben oui. Le plus gros oignon du monde en 2014, jusqu'en 2014, c'était notre ami Peter Glazebrook qui détenait le record du plus gros et plus lourd oignon au monde, mais Tony Glover a fait encore mieux, le batteur de peu avec un spécimen de 82 cm dans sa plus grande largeur et pesant 8,47 kg, assez pour préparer une soupe à l'oignon pour 36 personnes. Wow! Ouais. Un seul oignon, 36 personnes. C'est miam! Beaucoup de fromage aussi. Oui, j'imagine. Ensuite, celui qui fait que c'est un article presque d'Halloween, la plus grosse citrouille du monde. Mm-hmm. C'est en 1900 à la Foire internationale de Paris. La plus grosse citrouille du monde affichait sur la balance 181 kg. Ooh. Aujourd'hui, le record du monde détenu par Benny Meyer est pour une citrouille de 1054 kg. Pardon? 1054. Ah, t'imagines? C'est wow. En livre, ça on va aller voir. Ça fait une méchante citrouille d'Halloween. Ça fait, wow. ça fait... 2323, c'est bien ça? 1050, c'est parce qu'il y a des points au lieu des... Ouais. Ça fait, 1054 kg. En livre, hein? Ah, c'est parce qu'il y a un point, il faut pas j'en mettre, c'est ça. En français, il y a une virgule, en anglais, il y a rien. 2323 livres, voilà. On l'a. Oh my God. Le plus gros radis du monde. Il en faut un seul pour faire une salade pour toute la famille. Les plus gros radis jamais cultivés proviennent du jardin du japonais Manabu Uno. Le radis qu'il a présenté lors de la Sakurajima Relish Contest de 2003 à Kagoshima conserve le record absolu, une circonférence de 119 cm et un poids de 31,1 kg. La plus grosse tomate jamais produite est américaine. Elle, c'est une Big Zack. Elle pèse 3,81 kg. Dan McCoy, qui l'a cultivée, ne s'attendait pas à battre le record précédent. Les graines nommées 8,41 McCoy Big Zack, 8,41 qui est son poids en livres, ont été vendues à des jardiniers français et britanniques qui espèrent obtenir des tomates encore plus grosses pour de futurs concours. Quant au plan de tomate le plus long jamais mesuré, il mesurait 19,8 mètres. C'est du stock, hein? Et, hein? La plus grosse pastèque, le plus gros melon d'eau du monde. Depuis octobre 2013, qu'on n'a pas vu de pastèque plus lourde que celle de Chris Kent à 159 kg. Elle a été honorée dans cette catégorie lors du festival Operation Pumpkin à Hamilton, dans l'Ohio. Le plus gros navet du monde. Depuis 2004, personne ne peut battre Scott Robb, qui est au Guinness des records. Le navet qu'il a cultivé pesait 17,78 kg. Navet, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, là, mais bon. C'est pas quelque chose qui goûte beaucoup non plus. T'sais. C'est un peu comme le poireau, parfois. Effectivement. La plus grosse pomme du monde, intéressant, celui-là, c'est encore Peter Glazebrook qui a cultivé ses plus grosses pommes de terre, proprement. Oui. Celle qui fut pesée lors du National Gardening Show en 2011 au Royal Bath & West Showground à Shepton Mallet dans le Somerset atteignait presque 5 kg, 4,98. Elle surpasse de plus d'un kilogramme celle qu'il avait présentée l'année précédente et qui a décroché le record du monde. Wow. Voilà pour les fruits et légumes les plus gros du monde. Continuons avec des saveurs inhabituelles de bonbons, tiens. Mm-hmm. Donc le chocolat, le beurre d'arachide, ça va ensemble, mais du chocolat et du saké, est-ce que ça va ensemble? Oh boy, je suis pas certaine. Ouais, ben il y en a qui ont essayé quand même. J'imagine que ce sont soit des Japonais ou des Chinois. Souvent asiatiques, en effet. Alors, on commence avec des peeps, les petits poussins de Pâques, qui sont en saveur de candy corn. Ah, ça doit être quand même bon. Vraiment, aussitôt que l'Halloween arrive, donc les amateurs de bonbons trippent sur le candy corn. Et ben, les Peeps ben, doivent bien s'adapter un petit peu à la recette pour pas être seulement disponible à Pâques. Donc Peeps qui remplit ses guimauves de saveur de candy corn. Ouais. Et ensuite, on rentre ça dans du chocolat blanc. Ils sont pas juste disponibles à Pâques? Non, il y en a partout toute l'année avec différentes saveurs originales pour chaque occasion possible. Ben voyons donc, je savais pas ça. Moi, quand j'étais jeune, mon grand-père avait toujours ça. C'est bon? C'est très bon. Très sucré. Et oui, t'en mangeais un, là, puis that's it. Peut-être juste ouais. la tête en plus. Ah, oh, mais j'aime tellement Candy Corn. Enveloppé en plus dans du fudge blanc. Ouh là là. Ensuite, on a du Candy Corn à saveur de chocolat et de sel de mer. Oui. Par la compagnie Brax, pourquoi pas. On a du plaisir avec ça. Une saveur saisonnière qui est un grand succès quand même. Mais c'est drôle, je me demande aussi si ça fit Candy Corn, sel de mer. Je dirais peut-être dans ma tête, ouais. Peut-être trop de saveurs mélangées. C'est beaucoup de choses. J'imagine qu'il n'y a rien qui se démarque là-dedans. Mais souvent, tu as comme un genre de mélange de tout ouais, ça. Ouais, c'est ça. Un petit mash-up. Celui-là serait probablement mon préféré de la liste. C'est les Reese's Peanut Butter and Banana Cream. Mmh. Alors, un hommage à Elvis, bien sûr. Un des bonbons les plus populaires au monde. Oui, les Hershey Reese's. En 2007, ils ont rendu hommage à Elvis Presley en sortant cette édition limitée pour le 30e anniversaire de la mort du King. Donc, beurre d'arachide et crème de banane Miam. Pourquoi? Parce qu'il trippait sa banane? Il trippait sur les sandwichs beurre de pin banane. Ah, d'accord. Avec du pain et des tartines. Mmh. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Tu vois, je savais pas. Ouais. Ensuite, des peanut butter cups, encore une fois, Reese's, mais avec des noix au miel. Ah, oui, ça ouais. peut être très, très bon. En avril 2017, en tout cas, moi, je me rappelle d'avoir goûté quelque chose qui ressemblait à ça. Hershey Company qui a sorti donc sa barre de chocolat bien connue, mais en édition limitée. En Géorgie, ils avaient les peanut butter cups avec des noix grillées au miel. Hein? Mm-hmm. Ensuite, la barbecue payday, une barre de chocolat qui ressemble un petit peu à la, je dirais, c'est quoi, c'est O. Henry, ouais. Arachide avec un milieu de caramel et je crois que c'est du nougat, quelque chose comme ça. Ouais. Bref, c'est là, mais au barbecue. OK. C'était la même promotion. Tu vois, ça m'intéresse pas tant. Tout ce qui est barbecue avec sucré, là, blablabla, on dirait que non. Ouais. Ça me revient pas. Ensuite de ça, on va y aller avec, des pez au chlorophylle. Hey boy. T'as mis le chlorophylle dans ton tes petites boissons là, oui. pétillantes, là, comment t'appelles ça? Kombucha. Voilà. Donc, Pez célèbre son 90e anniversaire et la compagnie de bonbons classiques ne vit pas dans le passé. Ils sont toujours en train de chercher la plus originale saveur avec des douzaines de nouvelles saveurs à travers les années. Mais si vous êtes un collectionneur de bonbons et de distributeur Pez, sachez que dans les années 60, ils ont entamé une version au chlorophylle de ce bonbon pour ceux qui avaient envie de manger des plantes dans leurs bonbons. Intriguant. Quoi? Ensuite, les M&M au Bretzel. Bretzel en français. Mm-hmm. Bretzel. J'aime tellement ça. Je les trouve super bons. Donc, depuis les années 80, M&M fabrique de nouvelles différentes saveurs, textures de bonbons, dont Dolce de Leche, qui sont discontinués assez rapidement. Mais en 2010, ils ont amené les M&M au Bretzel. Nous, on les a eus ici très récemment, l'année mm-hmm. passée, si je me rappelle bien. Petite boule de Bretzel enveloppée de bonbons M&M. Ensuite, des Hershey's Kisses, mais au thé vert. Ah, ah! Ouais, très populaire en Asie, selon Hershey's Chocolate World. Donc, il y a un paradis, oui, du chocolat et du sucré de 13 000 pieds carrés sur le Las Vegas Strip. Et puis, ça ah, dit ah, ben que... oui, c'est... Ben oui, ben oui. Quoi? C'est le magasin. Le magasin Hershey, exactement. Oui, tout à fait. Ah, oh, c'est merveilleux. Ouais, rentre là, tu veux plus sortir. Dans ce kiss-là, t'as un centre à la saveur de thé vert pour une expérience unique. Ça sent tellement bon quand tu rentres là. Ah, ça me donne envie d'y aller. Ensuite, des kisses, encore une fois, mais au gâteau au fromage, c'est New Yorkais. Mm-hmm. Hershey Company qui a déjà concocté ce délice pour les amoureux de gâteau au fromage. C'était une petite saveur riche de gâteau au fromage à l'intérieur du kiss. Ensuite, des Mike and Ike à saveur de popcorn au beurre. Tu connais les Mike and Ike, des petits jujubes en genre de cylindre? Oui. Au popcorn au beurre, pas sûr. Mm-hmm. Pas sûr. Non. Un peu comme les jelly beans, pas nécessairement super bon. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ils ont ramené ce bonbon-là en 2016 après l'avoir utilisé par le passé. Ensuite, aussi des Mike & Ike's, mais au cola à la cerise. Ça, je pense que c'est plus classique. Pas mal bon. Ouais. Ensuite, des boules de gomme pour l'action de grâce. Ah, OK. Ouais, Thanksgiving Gumballs, exactement ce qu'on pense. Donc, c'est un repas à trois couverts dans chaque gomme. Trois saveurs, donc dinde, canneberge et tarte à la citrouille. Skittles au chocolat, là, attends un petit peu, là. Skittles au chocolat. On dirait que dans ma tête, ça ne fit pas. Ouais, ben il y en avait au s'mores, à la vanille, au chocolat caramel, pudding au chocolat, oui, et pâte à biscuits, pâte à brownie, voilà. C'est, OK. Pas très différent des Skittles normaux, mais quand mais même. Mais avec la texture d'un vrai Skittles. Avec la texture d'un vrai Skittles, oui. Ouh, je suis vraiment pas certaine dans ce cas. Ils ont essayé d'autres variations à travers les années. En 89, il y avait les saveurs tropicales, baies sauvages, tart et tangy, donc j'imagine très, très surette. Les surettes étaient vraies. Ben, sont toujours très, très bonnes. Je me rappelle pas d'avoir mangé les surettes. Ah non? Non. Les Chocolate Skittles, c'était en 2007 et les commentaires des gens étaient pas super bons. Ensuite, des Twizzlers, les réglisses. Oui. Mais à la tarte à la lime. Miam. OK. Tu sais, on est habitué de la réglisse noire, verte, des fois rouge. Rouge. Rouge, surtout. Surtout. Mais ça peut être bon. Ouais. Oui, vraiment. Et il y avait une autre aussi, à la saveur de Orange Cream Pop, donc les creamsicles à l'orange. Miam, miam, miam. Ensuite, les Mentos. On connaît tous les Mentos à la saveur de liqueur, de boisson gazeuse. Lourd. Ouais, je sais pas trop. J'imagine pour peut-être capitaliser sur le succès de... De mettre une Mentos dans un 2 litres de Pepsi. Exactement. Donc, on peut répéter l'expérience dans votre ventre avec les Fresh Cola Mentos. Ensuite, des Jelly Beans à saveur de Swedish Fish. Je sais pas, on dirait que depuis quelques années, Swedish Fish, on a commencé à comprendre ce que c'était parce que c'était la Juicy Fruit, je crois, la gomme qui a sorti une saveur Swedish Fish récemment. Hey, ça se peut, ça, c'est les petits poissons qui sont quand même à la canette, genre, j'ai envie de dire. C'est exact. Donc, c'est ce qu'on a fait avec des Jelly Beans. Donc, la même saveur, mais un petit peu plus croustillant. Ça peut être bon. Ouais. Ensuite, la Java Twix. Mmh. Une Twix au café. Ça, pour vrai, c'est à date... Là, ça, je suis partante. Je suis très, très partante, surtout ce matin. C'est la Reese's au beurre de banane. Je oui, pas la crème de banane. Aussi. Wow. Donc, en 2007, Java Twix est sorti en édition limitée. C'est pas resté super longtemps. Je comprends pas trop pourquoi. Un mélange de café, de caramel, de gaufrettes au chocolat, couvert de lait au chocolat. Colin, ça doit être délicieux. Mais bon, Twix Java, c'est regretté. Ensuite, Kit Kat au saké. Bon. Ah, là, on retourne en Asie, bien sûr. Ben oui. En Asie, connu pour tout plein de saveurs originales, dont le saké dans bien des choses. Depuis 2016, on a des sakés Kit Kats. C'est des barres de chocolat blanc avec de la poudre de saké. Mm. Ensuite, toujours avec Kit Kat, c'est Baked Sweet Potato Kit Kats aux patates douces. Non, non. Ça, je suis vraiment pas certaine. Non, moi non plus, on recommande. Oui, j'essaierai tout au moins une fois. Ouais. Mais c'est là, ils suggèrent de les mettre au four. Ah, ben voyons, t'as Kit Kat, effet, elle va fondre. Pour avoir un effet patate douce. Je sais pas. OK. Toujours en Kit Kat, les Sweet Purple Potato. Pourquoi pas, les patates mauves. Ensuite, les Kit Kat au wasabi. Mm-hmm. Une dernière Kit Kat, je crois, dans la liste. Oui, ça dit wasabi dessus. Selon les critiques, c'est pas super épicé, mais ça retient quand même quelques notes subtiles du wasabi. Les cannes de bonbons au cornichon, ensuite. Si t'aimes les cannes de bonbons, mais que tu veux vraiment changer la... Ouais, la là, je suis pas certaine. Non. Bacon Candy Canes, donc des cannes de bonbons au bacon. Ça, on a déjà vu un petit peu en magasin, même ici au Québec. Ouais, mais on dirait que dans ma tête, je sais que tout le monde tripe sur le bacon, mais il y a des choses que tu peux juste pas mélanger avec le bacon. Tout à fait d'accord avec genre toi. Genre des cannes de bonbons pour un arbre de Noël. Ça marche pas, c'est de la saveur simulée de bacon. En plus, ça fonctionne même pas. Ça doit goûter le bacon bits. Ouais. Y en a aussi sur Amazon des cannes de bonbons au wasabi, à la sauce brune et au café. Ouf. Ensuite, du fromage en canne, mais bonbon. Tu sais, le fromage en canne, je sais pas si on a ça ici, j'en ai jamais vu, moi, en personne, du fromage en canne, que c'est comme des cordes de fromage qui sortent, tu peux en mettre en spray sur n'importe quoi. J'en ai déjà vu. T'as déjà vu ça, Kevin? À Montréal, ouais. À Montréal, bref, c'est une compagnie au Wisconsin nommée Cow Candy. Plus tôt cette année, ils ont créé une ligne de fromage, de bâtonnets de fromage Monterey Jack à saveur de fruits. C'est fait pour être une alternative sucrée aux bonbons. Les boys. C'est n'importe quoi. Candy string cheese. Non. Non. Je vais passer mon tour. Dégueulasse. Bref, voilà. Ensuite, toujours dans son foutu palmarès, on a une petite liste assez rapide et sympathique de 20 choses qu'on ne sait pas sur le chocolat. Ça pourrait nous intéresser, ça. Ah? Il y a plusieurs célébrations du chocolat chaque année. On cherche toujours une raison de manger du chocolat de plus. On connaît les calendriers de l'Avent, etc., etc. Le 7 juillet, c'est la journée du chocolat. Donc, qui a été amené pour la première fois en Europe le 7 juillet 1550. Même si plusieurs sources disent que c'était peut-être arrivé en 1504, donc bien avant ça, grâce à Christophe Colomb. Journée officielle ou non, peu importe, on sait que le chocolat est arrivé en Europe pour la première fois au 16e siècle. Il y a aussi la journée nationale du chocolat au lait, qui est le 28 juillet. La journée internationale du chocolat, qui est le 13 septembre. Et la journée nationale du chocolat sucré amer avec amande. Et ça s'en vient le 7 novembre. Bien. La semaine prochaine, mardi. Je répète, National Bittersweet Chocolate with Almonds Day. C'est spécifique. Très. Le chocolat, on dit que c'est presque un légume. Presque, presque. Presque. Donc, le... Écoute, t'as les fruits, les légumes, puis t'as le chocolat, hein? C'est. Le lait, le chocolat au lait et le chocolat noir viennent du cacao, bien sûr, qui pousse dans l'arbre du cacao, le théobroma cacao, de la famille des Malvacées. D'autres membres de la famille des Malvacées, c'est entre autres le coton. Et ce que ça fait, c'est que la partie la plus importante du chocolat est, dans le fond, un légume. Hmm. Ouais, c'est tiré par les cheveux un peu. Le chocolat blanc n'est pas du chocolat. parce que ça ne contient pas de solide du cacao ni de liqueur de chocolat. Le chocolat blanc n'est pas du chocolat au sens strict, mais ça contient des parties de grains de cacao, surtout le beurre de cacao. C'est pour ça qu'on peut quand même appeler ça du chocolat, si on peut. Le grain de cacao est natif au Mexique et en Amérique du Sud et en Amérique centrale. On croit que les habitants de ces endroits-là ont commencé à cultiver les grains en 1250 avant J.C. et peut-être même avant. Le chocolat chaud était le premier délice au chocolat. Bien. Ouais, le cacao donc était utilisé dans la culture mexicaine et aztèque. Le résultat n'était vraiment pas comme le chocolat chaud d'aujourd'hui. C'était pas mal plus amer, plus âcre. C'est souvent utilisé dans des cérémonies comme des mariages. Ah, OK. Marie-Antoinette aimait le chocolat chaud, mais moderne. Qu'est-ce que veut dire moderne ici? Ben, c'est ça, elle aimait le chocolat et le chocolat chaud était souvent servi au palais de Versailles. C'était pas. On dit que la boisson était un aphrodisiaque. On parle du type moderne comme dans vraiment du chocolat chaud, j'imagine, avec du lait chauffé, du cacao à l'intérieur et non pas comme l'ancien type plus âcre. Ah, ok, ouais. Tout à l'heure. Ensuite, le cacao a déjà été utilisé comme monnaie. OK. Ben ouais. Les Aztèques aimaient le grain de cacao tellement qu'ils utilisaient ça comme monnaie pendant les moments forts de leur civilisation. On s'échangeait ça. Ensuite, faut voir avec une paire de gens qui fabriquaient du chocolat. Ils ont inventé en fait le chocolat solide. C'est des Britanniques qui ont inventé ça. C'est la boutique Fry and Sons qui a concocté ce qu'ils appellent manger du chocolat ou le chocolat mangeable en 1847 en combinant du beurre de cacao, du sucre et de la liqueur de chocolat. C'était donc la première forme solide du chocolat. Ensuite, Napoléon aimait aussi le chocolat. Le leader français demandait du vin et du chocolat. Ça devait être disponible pour lui et ses conseillers pendant les campagnes militaires les plus intenses. Le chocolat du pâtissier n'est pas seulement pour faire de la pâtisserie. Le docteur James Baker et John Hannon ont fondé la compagnie de chocolat nommée plus tard Walter Baker Chocolate en 1765. C'est de là que le terme le chocolat du pâtissier en anglais Baker's Chocolate vient. C'est pas Baker comme dans le pâtissier, mais Baker comme dans le monsieur Baker. Okay. C'est pas seulement fait pour faire de la cuisine. Ah. Ensuite, Milton Hershey était le roi des bonbons. Natif de la Californie, connu surtout pour bien sûr sa compagnie de Hershey Chocolate Company dans Hershey en Pennsylvanie, mais il a commencé dans les bonbons bien avant de faire du chocolat. Il a fondé sa première compagnie, The Lancaster Caramel Company, lorsqu'il avait 30 ans. Le chocolat au lait a été inventé, lui, en Suisse. C'est Daniel Peter qui a créé cette confection en 1875. Après 8 ans à avoir essayé de faire fonctionner sa recette, c'est finalement le lait condensé qu'il a trouvé comme ingrédient clé qui allait faire du vrai chocolat au lait. Ensuite, fabriquer du chocolat, c'est difficile, qu'on dit. Ah ouais? Ouais, le grain de cacao ne se change pas, ne se transforme pas par magie comme en chocolat. En non, ce serait le fun, ce serait le fun. Ça serait merveilleux. Ça prend environ 400 grains pour fabriquer une seule livre de chocolat. Et quand même. Ouais. La première barre de chocolat a été fabriquée en Angleterre, elle. En 1842, la compagnie Cadbury a fabriqué la première barre de chocolat. La compagnie, tu sais peut-être, sinon je vais te l'apprendre, que ça existe toujours, Cadbury. Et ils sont surtout célèbres pour leur chocolat de Pâques. La plupart du cacao pousse en Afrique. OK. Ouais, malgré ses racines amazoniennes, la plupart du cacao, on parle d'environ 70%, vient d'Afrique. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur. Environ 30% du cacao mondial provient de la Côte d'Ivoire. Les arbres du cacao peuvent vivre jusqu'à 200 ans. C'est impressionnant quand même, je trouve. Ben oui. Ben ouais. Mais ça dit par contre que ces beautés tropicales ne fabriquent des graines de cacao qui sont utilisables seulement pendant 25 ans de ces 200-là. Donc ils vivent 200 ans, mais ils sont productifs pour nous pendant 25 ans. Le reste, ils servent à rien. Envoyez-les en maison de retraite. Il y a deux types de cacao. La plupart des chocolats modernes viennent des grains forastéraux. C'est considéré comme facile à faire pousser. Il y a aussi le grain Krilo qui goûterait encore meilleur. Ça ferait du meilleur chocolat encore. Et le chocolat a un point de fonte spécial, donc un point où il va se mettre à fondre. Le chocolat est la seule substance mangeable qui va fondre vers les 93 degrés Fahrenheit. C'est juste en dessous de la température du corps. C'est pour ça que le chocolat fond aussi facilement sur ta langue. 93 degrés Fahrenheit étant environ 33,89 degrés Celsius. Intéressant. J'aurais tellement d'autres faits sur le chocolat, mais je pense qu'on va se retenir et en garder pour une prochaine fois. On fera une thématique chocolat la prochaine fois. Quelle bonne idée! On verra. Pour l'instant, on écoute The Ruddy Ruckus. Voici Lake of Rage. Ça sent le fric. Rage de chocolat. Nobody made money in paradise. What you see is what you get. No one's caught the big one yet. Glittering scales and bearing fangs. The team is blasting off again. I can't take it, I won't make it. I'm so terrified. Can't believe it, I won't leave it. You're just what I crave. On a lake of rage. On a lake of rage. And as I turn the page, it sinks to the bottom of a lake of... I can't take it, I won't make it, I'm so terrified. Can't believe it, I won't leave it, you're just what I crave. I can't take it, I won't make it, I'm so terrified. Can't believe it. Oh, se noyer dans sa rage. Oh. Lake of Rage de Roddy Ruckus. On prend une pause et au retour, ben quand même, il nous reste plein d'autres affaires. Là, une chronique de moi, une chronique de toi, on verra dans quelle. Ben oui! Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Ah, j'avais oublié à quel point nos voix sonnaient comme ça. Vous êtes toujours dans l'émission matinale Assemblage Reiki avec Tania Bourdin et Mathieu Plante. Eh bien oui. Dans quelques instants, Mathieu, si je me fie au plan qu'on vient de se faire, ouais, ça devrait être moi. Oui. Et la chronique d'actualité, en fait, un petit tour d'actualité. Vous allez voir, ça va pas être trop trop lourd. Je vais essayer de rendre la chose pas trop lourde. Mais avant ça, on va écouter de la musique. Ben oui, écoutons une pièce qu'on aime beaucoup de Pony. Le petit Pony, c'est longtemps. Le petit Pony. C'est longtemps qu'on n'a pas dit le petit Pony. C'est vrai. Voici Phoenix tout de suite. Assemblage Reiki. 89 FM. Pony avec Phoenix. C'est comme ça que ça se passe ici ce matin. Mm-hmm. Maintenant, on va se faire divertir un petit peu. On va tasser des affaires puis on va faire de la place pour Tania Baudin. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do it. Tour de l'actualité comme on fait chaque semaine le jeudi habituellement. Tout ce qui a retenu Tania attention. Ok, oui, sachez-le. Aujourd'hui, en plus, on va commencer ça avec une petite nouvelle assez insolite. C'est quand même rare que je fais des nouvelles insolites dans cette chronique-là. On ne fait pas ça ici, vraiment. Non, exactement. Là, je me suis dit, je pense que ça vaut la peine. Il y a une jeune Pakistanaise qui voulait se débarrasser de son mari. Mais malheureusement, elle aurait empoisonné par erreur 27 personnes. Oh non! Dont 17 qui sont décédées. Ah! Oui, donc il y a un policier local qui a expliqué en fait que la jeune femme de 21 ans, Asia Bibi, avait été contrainte d'épouser son mari en septembre. Mm-hmm. Par la suite, son amant lui aurait fourni du poison qu'elle, elle a mélangé au lait que l'homme devait boire parce que bon, il y avait une bonne différence d'âge quand même. Sa belle-mère aurait plutôt utilisé le lait pour un breuvage traditionnel à base de yogourt, puis 27 membres de la famille élargie ont consommé cette boisson-là. Donc, 17 personnes sont mortes et 10 demeurent hospitalisées pour le moment. Tu sais, c'est sûr que la police tente de déterminer si elle a décidé de passer à l'acte toute seule ou si elle a été poussée, par exemple, par son amant qui lui a fourni ce fameux poison-là. Pour voir qui est coupable là-dedans. Exactement, parce que, tu sais, on veut quand même mettre les choses au clair dans une... même si c'est insolite. Mais elle a déclaré aux journalistes qu'elle avait supplié ses parents de ne pas la forcer à épouser l'homme qu'elle devait épouser. Et elle l'aimait pas, bien évidemment. Puis elle les avait prévenus qu'elle était prête à tout pour se sortir de cette union. Donc j'imagine que peut-être qu'une arrestation, c'était aussi une option. C'est ça. C'est inusité. Et un petit peu. Ça fait, t'imagines? Ça fait 27, dont 10... Mon Dieu. Puis tu meurs au moins en mangeant une recette ou en buvant une recette une roussette traditionnelle. Tu meurs heureux. Oui, en effet. Si on reste à l'international cette fois, parce que là, on était au Pakistan, on va aller en Arabie Saoudite. Bien, on a déjà parlé un petit peu, que ce soit au Canada ou que ce soit aux États-Unis, du tourisme spatial. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez, mais nous, on a déjà envoyé un clown à la Lune avec son nez rouge. Mais du côté de l'Arabie Saoudite, on a décidé d'investir $1 milliard dans le tourisme spatial. Mm-hmm. C'est quelque chose à laquelle on pense pas nécessairement que l'Arabie saoudite va investir, on va se le dire. Mais le Fonds public d'investissement saoudien a annoncé un petit peu plus tôt cette semaine qu'il allait investir $1 milliard américains dans Virgin Galactic. Hein? Donc, c'est une compagnie de tourisme spatial. Ça appartient au milliardaire britannique Richard Branson. Et c'est un investissement qui va leur permettre de développer la prochaine génération de lancement de satellites et aussi accélérer leur programme de navigation spatiale supersonique. Donc, il y a des raisons à tout ça, bien évidemment, mais un milliard, c'est quand même vraiment beaucoup. Donc, le milliardaire a ajouté que l'envoi de personnes dans l'espace, parce que c'est quand même toujours ça, là, c'est du tourisme spatial, bien, justement... L'envoi de personnes dans l'espace par la compagnie Virgin Galactic, c'est seulement une question de mois, apparemment. Wow. On travaille très, très fort pour que ça puisse se faire bientôt. Et c'est une société qui avait dévoilé en 2016 une nouvelle version aussi de son avion suborbital Spaceship 2. Et on a souligné, en fait, que la commercialisation de vols dans l'espace serait envisageable lorsque la sécurité serait garantie. Faudrait, pour vrai, s'il veut y avoir du tourisme dans l'espace, il faudrait construire des casinos. Quelque chose de touristique. Je pense qu'il faudrait y penser. Une tour Eiffel ou peu importe. Je sais pas si t'as vu le film The Passengers. Non. Avec Jennifer Lawrence, puis... je me souviens plus du gars qui joue là-dedans. Moins important que Jennifer Lawrence. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est comme un gigantesque vaisseau sur lequel tout se passe. Tu sais, tu débarques jamais de nulle part. Avec une bulle autour, quelque chose comme ça? Exactement. Okay. Donc, ça pourrait être la même chose qui pourrait se passer. J'imagine que c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, qu'on est en train d'étudier. Pas juste aller là, puis, je veux dire, après une demi-heure, t'as compris non, le principe. Non, c'est ça, exactement. Ça prend pas non plus juste une demi-heure à aller sur la Lune, j'imagine. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est un travail qui est continu, mais c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant de voir développer. Et on parlait de sécurité tout à l'heure, parce que justement, il faut s'assurer que le vaisseau qu'on va envoyer, bien, c'est sécuritaire. Surtout si on envoie des touristes de tout genre, madame et monsieur tout le monde, bien, on veut pas nécessairement avoir de petites complications à ce niveau-là. J'espère qu'ils leur serviront pas du lait pakistanais. Non, j'espère pas. Du moins, pas de bibi. Pas de bibi. Pas de bibi. du côté de la Grande-Bretagne, cette fois, on va faire un petit parallèle avec tout ce qui est sorti dans les derniers temps. On le sait, affaire Weinstein. Maintenant, affaire Kevin Spacey. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un deuxième acteur qui vient de faire certaines déclarations. Aujourd'hui, là? Ce matin, en tout cas, à 5 heures, c'était ça. C'est quoi? C'est qui? J'ai pas observé qui c'était, malheureusement. Je dois vous avouer que j'ai pas porté attention parce que je me suis dit que c'était quand même un petit peu mainstream comme sujet. Ouais. Mais on s'est aussi posé la question à un certain moment. Est-ce que les hommes politiques de ce monde vont faire parler d'eux au même point que les producteurs, que les acteurs qui ont fait de l'harcèlement sexuel? Est-ce que ça va arriver? Eh bien, du côté de la Grande-Bretagne, sachez-le, je pense que c'est les premiers à faire ça, à part pour Trump. C'est sorti. Il y a un ministre britannique de la Défense qui a démissionné à cause qu'il a été accusé d'harcèlement sexuel cette semaine. Donc, c'est le ministre Michael Fallon qui avait été accusé d'attouchement sexuel sur une journaliste. Mm-hmm. Le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, a démissionné un petit peu plus tôt. Ça s'est passé hier. Et le ministre avait été accusé d'avoir posé sa main sur le genou d'une journaliste au cours d'un dîner lors de la conférence du Parti conservateur en 2002. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Il a déposé sa main sur son genou. Et Michael Fallon a déclaré à la BBC que son comportement dans le passé n'avait peut-être pas été à la hauteur. Et par la suite, il démissionne. Donc, j'imagine que le monsieur a réalisé que peut-être qu'il était dans le tort. Et j'imagine aussi qu'il va y avoir d'autres déboulements à la suite de tout ça. Mais j'ai hâte de voir s'il va y avoir d'autres noms politiques qui vont sortir, autres que Trump, autres que, évidemment, Fallon présentement. Ça devrait être assez intéressant. Il y a aussi un autre acteur qui est sorti du côté Hollywood hier. On en parlait. Jeremy Piven, oui, de Entourage, a lui aussi eu quelques accusations portées contre lui. Celui que tu cherchais tantôt, c'était Dustin Hoffman, de 80 ans. Oui. Qui aurait fait quelque chose avec un stagiaire de 17 ans sur le plateau de Death of a Salesman. Il y a aussi mon actrice préférée ever, Olivia Munn, qui l'accuse en 2010 de s'être touché devant elle. Mm-hmm. Donc, c'est Dustin Hoffman et le réalisateur Brett Ratner en ce moment. C'est ce que tu cherchais. Ça bouge beaucoup encore. Je pense que ça va bouger encore pour quelques temps. Même ici, de notre côté, il y en a encore qui sortent. Ouais. Donc, il va falloir garder un œil à tout ça. Et si on change complètement de sujet cette fois, du côté du climat, j'ai lu un article du Devoir sur l'état catastrophique, en fait, qui se déroule présentement au niveau du climat, au niveau de l'environnement, entre les promesses et les actions qui ont été dites selon l'ONU. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un écart qui est quand même assez catastrophique et alarmant entre les promesses nationales des limitations des émissions de gaz à effet de serre et les réductions qu'il faudrait opérer pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés Celsius. Donc, le responsable de l'environnement de l'ONU a dit ça un petit peu plus tôt cette semaine dans une grande conférence, que les engagements actuels des États couvrent à peine un tiers des réductions d'émissions nécessaires et ça creuse un écart qui est quand même assez dangereux. Ce qu'on réalise, c'est que présentement, les États sont très, très bons pour dire « oui, on va vous aider, oui, on va mettre la main à la pâte », mais les promesses ne sont pas nécessairement tenues, telles de bons politiciens. Donc, c'est alarmant, c'est aggravant aussi, c'est un petit peu catastrophique parce que là, comme on le disait plus tôt la semaine dernière, c'est plus juste une question de faire de la prévention. On a essayé de vous prévenir dans le temps, vous ne nous avez pas écoutés, là, il faut agir. C'est comme, il est rendu un peu trop tard. Fait que l'écart qui est en train de se créer présentement est encore extrêmement alarmante. Il y a un an après l'entrée en vigueur de l'accord climat de Paris, On dit qu'on est très, très loin de faire ce qu'il faudrait pour justement préserver des centaines de millions de personnes d'une vie de misère, tout simplement considérée au climat. Ça... ça fait peur. Ouais. Ça fait... ça, ça fait juste peur de ce côté-là. Mm. Je pense que ça serait bénéfique pour tous de se dire que faut vraiment agir, arriver à faire quelque chose qui va au moins avoir des répercussions, peut-être pas nécessairement immédiates, mais dans quelques temps, d'ici peut-être une, deux ans. Ouais. Tu sais, c'est beau avoir l'air du politicien qui est politically correct et qui va pour ce que les gens veulent, mais si on tient pas nécessairement les promesses non plus, c'est pas mieux. Mm-hmm. Puis au niveau du climat, on le sait, c'est très dangereux ces temps-ci. Donc, la révision des engagements nationaux qui est prévue en 2020 par l'accord de Paris va être la dernière occasion de trouver la bonne trajectoire pour 2030. Sinon, ce qu'on dit, c'est que c'est extrêmement improbable que le monde reste sous la barre de 2 degrés. Et si on... entre 2 et 1,5 degrés, par exemple, de réchauffement par rapport à la révolution industrielle, et si on dépasse ça, ben là, il y a comme pas de point de non... Tu sais, c'est le point de non-retour, mettons. Ouais. Va falloir subir ce qu'on a fait. C'est dommage que les gens ont l'air de pas mal s'en foutre parce que c'est dans le présent, c'est correct, puis c'est les générations futures qui vont souffrir de ça. Tout à fait. C'est vrai, c'est... on peut c'est rien désolant, faire, hein, j'imagine. Ouais. C'est ça, c'est désolant. Si on y va du côté un petit peu plus technologie cette fois, Facebook est toujours en forme. Mm-hmm. On lutte encore une fois pour les fausses nouvelles. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça coûte extrêmement cher. Ah, ben oui, mais... Eh bien oui, parce que Facebook, qui continue quand même à faire des milliards de bénéfices chaque trimestre, je pense que c'est une des choses qui fonctionne très, très bien à la bourse, mm-hmm. Facebook. Et on a une nouvelle fois, cette semaine, clamé la volonté de lutter justement contre la désinformation. On a promis des investissements qui étaient massifs, qui devraient affaiblir la rentabilité de Facebook. Donc, la communauté continue de croître sur Facebook. C'est pas quelque chose qui stagne pour le moment, mais ça n'a aucune importance si les services qui sont utilisés de façon à éloigner les gens les uns des autres fonctionne pas. Donc, on a affirmé, en fait, pendant une conférence téléphonique de la part du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, que, justement, sous les feux des critiques pour avoir servi de plateforme de désinformation qui était orchestrée depuis Moscou, on se rappelle, ça avait fait parler beaucoup dans les médias américains, eh bien, surtout pendant la campagne présidentielle américaine 2016. Donc, on a un responsable juridique qui a auditionné un petit peu plus tôt au niveau du Parlement qui enquête sur une ingérence russe dans la campagne, mais Google, Twitter et Facebook se sont tous mis d'accord pour dire que la désinformation, c'est quelque chose qu'il fallait contrer, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que justement, ça coûte très, très cher. On a publié un petit peu plus tôt un bénéfice net en hausse de 79%, c'est-à-dire 4,7 milliards au troisième trimestre, et c'est une performance qui est meilleure. C'est une performance qui était meilleure que celle qui était anticipée sur le marché. Et le groupe a également aussi franchi pour la première fois la barre des 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires à 10,3 milliards par rapport au troisième trimestre en 2016. Mais justement, vu qu'on veut faire une espèce de lutte à la désinformation, eh bien, il y a une grande partie de ces bénéfices-là qui vont aller à justement essayer de contrer le fake news et les investissements massifs que ça prend. Donc, on a déjà dit à quel point la façon que les Russes ont tenté de se servir de leur outil pour semer un petit peu la dissension au niveau de justement la campagne électorale en 2016, ça a mis quand même les dirigeants de Facebook en colère. Et c'est ce qu'ils ont du mal, en fait, à continuer. C'est de justement un petit peu lutter sans nécessairement avoir une marche à suivre. Tu sais, présentement, la désinformation, c'est quelque chose qui, oui, c'est pas trop, trop nouveau. Mais si on y va pour contrer, ben ça, c'est extrêmement nouveau. On se pose la question... Comment est-ce qu'on peut faire un encadrement qui va faire en sorte que ça va être fait juste et ça va être bien fait aussi? Parce que tu peux pas l'éliminer complètement. Le phénomène des fake news va toujours être là. Il faut juste. Je pense que c'est ça. En 2017, c'est quelque chose qui va tout le temps exister. Ouais. Mais on demande surtout aux équipes d'investir dans la sécurité, en plus de tous les autres investissements qui sont comme un plan d'action, en fait, sans nécessairement être trop, trop sûr, parce que c'est flou. Google, Twitter, puis Facebook sont les premiers à faire ça. Donc, il n'y a pas grand monde qui sont capables de leur dire hey, vous ne faites pas ça correctement. Vous avez peut-être trop investi de ce côté-là. Investissez ailleurs. Vous allez voir, ça va mieux fonctionner. T'sais, on est encore à quasiment à l'essai-erreur de ce côté-là. Et c'est des coûts qui sont quand même très, très chers. Ouais. Faut juste espérer que ça va fonctionner à un certain moment. C'est ça. Du côté du Canada, cette fois, je vais terminer avec ça. On parle d'un danger pour certains, comment je pourrais dire, certains animaux. Okay. De notre faune, disons ça comme ça. En fait, le gouvernement canadien a assuré un petit peu plus tôt faire sa part. Parce que présentement, ce qui se passe, on a une lutte contre la disparition du caribou forestier. Nos caribous disparaissent. Oh non. C'est une espèce qui est menacée et on demande aussi aux provinces d'agir fortement de ce côté-là. Donc, les populations de caribous, ça continue de décliner et les niveaux de perturbation de l'habitat augmentent. Notre environnement change pour les caribous et on, j'imagine qu'il y a des gens qui font beaucoup plus à la chasse aux caribous, j'imagine. Donc, la quasi-totalité des forêts et des espèces naturelles où vivent en temps normal les caribous, mais ça relève en fait de la compétence provinciale et territoriale au Canada. Donc, on essaie de demander aux provinces de donner un coup de main de ce côté-là parce qu'on veut pas que ça disparaisse. C'est quand même un de nos emblèmes au Canada d'avoir des caribous. Donc, les feux de forêt, l'exploitation des bois, la présence humaine, ce sont tous des éléments qui viennent perturber l'habitat du caribou et ce sont des perturbations qui ont été rendues publiques un petit peu plus tôt que cette semaine, comme je le disais, plus précisément mardi. On a augmenté dans les deux tiers des aires de répartition du caribou entre 2010 et 2015. Donc, on voit vraiment là, que les caribous essaient de s'en aller le plus possible. Et le caribou boréal, c'est une espèce emblématique ici au Canada. C'est aussi un indicateur clé de la santé de la forêt boréale canadienne. Donc, la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, est un petit peu effrayée par ce qui se passe, parce qu'on ne veut pas nécessairement perdre notre emblème, mais encore une fois, c'est important au niveau de l'environnement. Donc, c'est un déclin qui est soutenu, c'est une source de préoccupation, et on juge quand même nécessaire de faire de la prévention par rapport à ça au niveau de nos provinces. Et c'est un niveau aussi sans précédent d'engagement et de collaboration pour assurer une espèce de rétablissement de l'espèce, parce que si on en a plus, bien, ça va aussi faire en sorte que les forêts vont, à un certain point, changer. Donc, le constat du gouvernement fédéral, en fait, a été salué par l'organisation écologiste Greenpeace, qui accuse les provinces de ne pas en faire suffisamment d'abord pour protéger et sauver les espèces qui sont déjà menacées. Et là, on en a une nouvelle qui s'ajoute à cette liste-là. Donc, peut-être que ça va faire réagir certaines provinces. On veut mettre en œuvre des mesures de protection du caribou forestier. Ça va aider le Canada à se conformer à des engagements qui sont internationaux, qu'on n'a pas encore nécessairement mis en branle du côté du Canada. Et dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique de l'ONU, eh bien, on impose de protéger 17 % des terres et des milieux humides, chose que présentement, on n'est pas en train de faire pour le caribou. Alors, on espère que notre espèce emblématique va rester parmi nous. Ben oui, on veut pas que ça en aille, sinon on va faire caribou! Exactement. Ouais. Merci, Tania. Fait plaisir. Hey, c'est bon, ça. C'était quand même très, très diversifié ce matin. Toujours. Mais je me suis dit, hein, on va alléger les choses à un certain point, ben on là va parler de choses un petit peu plus sérieuses, on va vraiment faire le tour. C'est ça, ça s'appelle un tour de l'actualité, c'est pas pour rien. Hein? C'est exactement ça. On fait ça les jeudis, habituellement, dans l'assemblage requis, mais la chronique Tania Esgonette-Tania, c'est du lundi au jeudi. Mm-hmm. Maintenant, tiens, pleurez pas, les caribous s'en vont. Moi, c'est J.D. McPherson et Crying's Just a Thing That You Do. À l'assemblage requis! Au 89 FM! China crashes down on the floor. Just a thing that you do par J. McPherson à Assemblage Requier. Au retour de la pause, tu m'as inspiré, Tania. J'ai pas eu le choix, j'ai changé d'idée. On va faire le vrai et le faux parce que t'as parlé de fake news. Oh, on aime ça. Assemblage Requier. Deuxième heure d'Assemblage Requis en ce jeudi 2 novembre 2017 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et comme j'ai dit tantôt, j'ai changé d'idée pour la chronique qui s'en vient. Donc, évidemment, ça fait que j'ouvre mes fenêtres là, puis c'est pour ça que le fond lag un petit peu. Oui! Excusez. Transparence, qu'est-ce qui se passe? Je viens de tomber sur une vidéo. Tu sais, les fameux pranks de style Halloween. Jimmy Kimmel, les bonbons et tout ça, hein? Non, vraiment, là, les pranks là, de style film d'horreur. Oh, ce sont des personnages qui font vraiment peur, puis ils sont dans la rue. Pis les gens comme capotent royalement là, pis ils partent en courant, c'est vraiment drôle. Ok, t'aimes ça la souffrance des gens. Je viens de tomber là, ouais. Tu fais pleurer tout le monde. Je m'excuse. Excuse-toi, c'est bacal. Ouais, c'est ça. Maintenant, tiens, comme je le disais il y a quelques instants à peine, c'est le moment de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le vrai, le faux. Est-ce qu'il faut... Vas-y. Est-ce que ça me prend un papier pour noter mes points? Faudrait un papier. Veux-tu te donner un papier pendant oui, que l'intro joue? Oui, c'est ça, exactement. Je vois l'intro, ça te va? Oui. Okay. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur Internet. Une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. C'est le vrai, le faux, donc, où Tania, en fait, doit déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux parmi les nouvelles que je lui propose. Rappelle-nous le système de pointage qui était déterminé comme étant le meilleur et le plus approprié pour une chronique comme celle-ci, Tania. C'est juste de ne pas compter la mauvaise réponse que j'ai. OK. Mais de calculer qu'il y avait une question. OK, parfait. C'est donc, tu as le total. D'éliminer le point. On n'enlève pas le point, comme si tu ne peux pas finir à zéro. C'est exactement. Juste, c'est juste pour ça, finalement, que tu fais ben, ça. Je veux pas finir à zéro. Je suis vraiment très compétitif. T'es compétitif, t'es masculin aussi. Ça, hein, ouais. C'est ça. Exact. Vous le saviez pas, hein? Non, tu nous apprends quelque chose. Donc, commençons par un sujet que tu as abordé dans ta chronique, Tania Sganatetania, il y a quelques jours, quelques semaines, en fait. Tu nous as parlé de petites coccinelles asiatiques. Oui. Tu te souviens de ça? Est-ce que tu as vu passer sur Internet une photo qui montre une petite coccinelle asiatique, en fait plusieurs de ses amis, à l'intérieur du palais d'un chien? Oui. t'as vu ça ici, je te le montre de nouveau pour les gens à la caméra 3, voilà. Sur assemblagehockey.com. On dirait que ça vient de... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux des petites coccinelles comme ça dans le palais d'un chien? Je dirais que c'est faux. C'est vrai. Hein? J'ai aussi vu un article de Sources Sûres qui parlait que c'était pas aussi extrême que ça en avait l'air. C'est un article de, je crois, Radio-Canada, Jeff Yates. Mais... les sources disent quand même qu'il y a de la vérité là-dedans. Donc, c'était la mi-novembre 2015 où une photo a été distribuée sur Internet montrant des coccinelles japonaises dans le palais d'une bouche de chien, d'une gueule de chien qu'on appelle. C'est apparu sur Facebook. La plupart des gens qui ont partagé cette image-là sur Facebook avaient inclus une variation de « bon, passez ça à tout le monde, mon chien est tombé malade, mon chien bave partout à cause de ces insectes-là. » Bref... on a contacté Hands and Paws chez Snopes.com pour avoir plus d'informations sur l'image. Plusieurs incidents ont en effet eu lieu, entre autres en novembre 2016 et aussi en 2008, où il y a un article qui a été publié dans le journal Toxicon sur le sujet. L'article avait une photo de plusieurs coccinelles dans la gueule d'un chien. Ça ressemble énormément à la photo qui a circulé en novembre 2005. Donc, on pense que ça viendrait de cet article-là de 2008. Donc, c'est vrai. Ben, voyons donc. Voilà. Ensuite, par rapport à la Lune, tu as parlé dans ta chronique tantôt de voyage spatial, de tourisme sur la Lune, etc. Est-ce que c'est vrai qu'une photographie de l'habit spatial de Neil Armstrong montre que les traces de ses bottes ne vont pas du tout avec les traces de pas laissées sur la Lune? Donc, je te montre la photo des bottes de Neil Armstrong à gauche, présumément, et les traces sur la Lune, présumément, à droite. OK. Sur la caméra 3. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de vrai, que les bottes ne sont pas les mêmes et qu'il y a un problème là-dedans? Donc ça veut dire qu'on n'est pas vraiment allé sur la Lune. C'est difficile là, parce que ça vient remettre tout en question si je crois qu'ils ont marché sur la Lune ou non. Mais je vais dire que c'est vrai. C'est faux. T'aurais dû y aller avec ta... J'étais sûr que t'allais dire faux en plus. Ça fait tellement théorie du complot et c'est en effet une théorie du complot. Colin... Je suis désolé pour toi, Tania. Donc, les photos qu'on voit sont toutes les deux réelles. En fait, individuellement, elles sont les deux réelles. L'habit spatial de Neil Armstrong qui est montré à gauche sur la photo et ses empreintes lunaires sont réellement à droite. Par contre, la photographie de Neil Armstrong dans Apollo 11 a été prise en 2015 par l'astronome Phil Plait parce que, en fait, son costume qu'il avait utilisé dans l'espace est préservé au Smithsonian's National Air and Space Museum et les astronautes d'Apollo 11 se sont fait photographier, se sont photographiés eux-mêmes en fait sur le terrain lunaire avec les empreintes d'origine alors qu'ils marchaient sur la Lune. Donc les photos, ils n'ont pas pu prendre le même habit pour refaire des photos en 2015, tu comprends. On dit par contre que même si c'est une vraie photo, celle du pas sur la Lune, l'empreinte qu'on voit sur la photo n'est pas de Neil Armstrong, mais plutôt de Buzz Aldrin qui avait accompagné Armstrong sur la Lune. Mais bon, mais en théorie, ils n'ont pas les mêmes bottes? C'est ça, en théorie, ils ont les mêmes bottes, mais tu sais, le détail est quand même important que c'est pas l'empreinte de Neil Armstrong. Okay. Ensuite, pour ceux qui ont écouté la chronique de mardi avec Marc-Olivier Dumas, et même toi, t'étais là, Tania, donc j'espère que tu vas répondre correctement. J'espère que j'ai écouté. Je te donne un freebie. OK. OK. T'es supposé, en tout cas, avoir au moins un point gratuit, comme sur une carte de bingo. Hein? OK, parfait. Est-ce que le championnat annuel de baseball, les World Series, ont été nommés en l'honneur d'un journal nommé le New York World? C'est faux! Yeah! Parce qu'on l'a dit mardi! Non, c'est complètement faux. Depuis un siècle environ, les séries annuelles de baseball, les World Series, sont un rituel américain essentiel. Les World Series, les séries mondiales modernes, ont commencé en 1903. Lorsque les Pittsburgh Pirates ont accepté de faire un combat un tournoi de best of nine, meilleur en neuf, contre les champions de l'American League qui étaient passés de la ligue mineure à la ligue majeure 2 ans plus tôt. Bref, le concept a évolué de plus en plus. Et là, je saute plein de paragraphes pour essayer de trouver le paragraphe où ça parle du journal. Voilà. En quelque part là-dedans, des gens, à partir de 1991 environ, les gens ont commencé à comme... prendre la notion que cette classique automnale, les séries mondiales, était nommée parce que les victorieux étaient considérés comme les champions du monde. En fait, que c'était pas à cause de ça, mais que c'était plutôt à cause de la commandite du journal New York World. C'est ce que les gens ont commencé à dire en 1991. Le New York World, en fait, a été établi en 1860, juste avant la guerre civile. Avait pas vraiment de succès pendant les années 1870, jusqu'à son achat par Joseph Pulitzer en 1883. Pendant le demi-siècle qui a suivi, le World était renommé pour pas mal tout son journalisme jaune, comme on l'appelle des fois, jusqu'au mot croisé. basé. En 1930, il a été vendu et fusionné avec le Evening Telegram pour devenir le New York World Telegram. Le New York World n'avait rien à voir avec les séries mondiales, par contre, autre que le fait que c'était un des nombreux journaux qui donnait les résultats sportifs à l'intérieur de ses pages. Les séries modernes, un peu comme son prédécesseur, la série qui avait lieu avant entre la National League et l'American Association entre 1884 et 1890, a été nommée non pas à cause de l'affiliation avec un commanditaire, mais plutôt parce que le gagnant était considéré comme le champion du monde. Le titre a été raccourci plus tard pour former la phrase World Championship Series. Donc vraiment, ça va vraiment avec le fait que les Américains considèrent vraiment être le monde. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Et peut-être que c'est gênant de le dire, mais c'est comme ça. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Donc, il y a plusieurs articles de journaux qui ont été retrouvés dans le présent, un petit peu plus rapprochés de nous. Donc, par rapport à ces concours-là, on mentionnait plusieurs variétés de titres à l'époque dans les journaux par rapport au baseball. Entre autres, Championship Series, World Championship Series et World Series, avant de standardiser ça pour devenir, avec des majuscules, World Series. Si le nom avait été dérivé d'une commandite du New York World, ça aurait été connu seulement sous le nom de World Series dès le départ en 1984, et ce n'est pas le cas. On a utilisé plusieurs autres noms, donc ça prouve, dans le fond, ça déprouve l'utilisation du commanditaire pour ce nom-là. Voilà. C'est clair, tout ça? Oui. Ensuite, est-ce que c'est vrai, Tania, on change, mais complètement le sujet, est-ce que c'est vrai qu'un enseignant pesant 425 livres a été suspendu pour s'être assis sur un étudiant et pété dans sa bouche? Un comportement... des fois, c'est où? C'est ce que j'allais dire. Alors, je sais que tu me demandes cette question-là. C'était en Iowa. 425 livres enseignant assis sur l'étudiant. 425 livres, c'est du stock, là. C'est du gras. Fait que je dirais que c'est quasiment vrai et faux. Ah, choisis. Ah! choisis. C'est moi qui, là, t'as donné des demi-points, pas toi. Oh là là. Je veux dire, c'est vrai. C'est faux. Ha! C'est faux. Bizarre. En octobre 2017, deux sources vraiment pas réputées disaient justement qu'un enseignant en Iowa, morbidement obèse ou obèse morbide, a été arrêté après s'être assis sur la tête d'un de ses étudiants et après avoir flatulé dans sa bouche, l'a abandonné. Ça, c'est dégoûtant. Là. C'est absolument dégoûtant. Donc, il y avait de la difficulté à respirer. C'était apparu sur le site World News Daily Report. C'était rempli de détails dont je vous épargne. C'est un site de fausses nouvelles, World News Daily Report. Et ça dit que la photo, en fait, qui a été utilisée pour l'article, je sais que vous la voyez pas à l'écran à la maison, mais la photographie est de Anne-Margaret Deville, qui vient de mai 2015, qui avait absolument rien à voir. Pauvre femme qui a été maintenant attachée avec cette nouvelle-là. En effet. Dommage. Ensuite de ça, est-ce que c'est vrai que là, on va dans les supposés fake news selon certains. Okay. Et là, donc, on se demande, il y a des gens qui disent que c'est faux, il y a des gens qui disent que c'est vrai depuis 1938. Est-ce que c'est vrai qu'une diffusion à la radio de War of the Worlds a causé une panique mondiale? Les Américains auraient été terrifiés par la célèbre histoire de Orson Welles, War of the Worlds. Ça aurait été diffusé à l'Halloween à la radio. Et ça aurait causé une hystérie massive. Ça aurait convaincu des milliers d'auditeurs que la Terre était attaquée par Mars. Si je me souviens bien, c'est vrai. Donc tu dis vrai. Oh. Mais c'est faux. Des nombreuses adaptations... T'es vraiment pas dans le projet. Des nombreuses adaptations du classique de la science-fiction de 1897 de H.G. Wells, The War of the Worlds, depuis le dernier siècle. La version qui a pu raconter, sur laquelle on a le plus écrit... était la version en direct à la radio de Orson Welles le 30 octobre 1938. Très moderne à l'époque, donc on voulait faire du théâtre, plus réaliste. Donc ouais. C'est l'acteur et réalisateur de 23 ans qui a retravaillé le scénario par rapport à une invasion de Mars sur la Terre en faux bulletin de nouvelles avec de vrais moments de terreur. Et selon la nomenclature... ce qu'on raconte, c'est que War of the Worlds, en fait, que la diffusion était une fausseté, mais c'était pas une fausseté, en fait, et ça n'a pas été fait par surprise, en fait. L'émission était annoncée à l'avance. C'était un épisode de The Mercury Theater on the Air, l'émission radio qui faisait entendre des dramatisations de livres connus. Donc, les gens qui pensaient que ça avait été diffusé par surprise à l'Halloween, puis que c'était comme une blague que les gens avaient fait en diffusant ouais. ça. Non, c'était prévu d'avance. Bref, il y a beaucoup d'autres détails, vraiment énormément. Allez les voir sur assemblagerequis.com. C'est très intéressant comme histoire. Et par rapport à la panique, ben c'est ça, il n'y a pas eu tant de panique que ça. En fait, on dit que la couverture dans les nouvelles à l'époque était presque anecdotique et surtout basée sur quelques petits commentaires comme ça que les gens ont eu, mais il n'y a pas eu de grosse hystérie massive, absolument pas. Ok. Voilà. Je le saurai pour le prochain. Tu sauras, mais que je te repose la question c'est parce que ça. J'oublie quels articles je fais. C'est ça que tu veux dire? Non. Je vais te montrer encore une photo. La photo n'est pas vraiment nécessairement d'utilité, mais c'est plus pour ton propre renseignement. Est-ce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'est fait brûler l'engin masculin sur une clôture électrique? Donc, c'est une photo qui montre un patient qui a reçu des brûlures sévères après avoir uriné, en fait, sur une clôture électrique. Je te montre la photo caméra 3. C'est plutôt déplaisant. Fais attention. Holy moly! Holy moly! On voit donc vraiment comme une saucisse calcinée, là, si on peut s'imaginer, sur un feu. Oui. Là, qui aurait vraiment été noirci complètement. Là, ben, ça ressemble à ça. Et c'est apparemment, selon la photo, l'engin masculin d'un jeune garçon, d'un jeune homme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il faut que je fasse une mention spéciale, par exemple, si tu me le permets, là, oui? Juste avant d'annoncer si c'est vrai ou si c'est faux. Hier, j'étais du côté du barbecue à la Chasse-Galerie. Oui, t'as passé un bon moment. Un très bon moment pour le financement des Jeux de la communication. Oui. Et il y a une de nos collègues à la station qui est Liliane. Oui, de l'émission Les Pas Sortables, les mardis après-midi à 16h. Exactement, qui était aussi là. Et il y a un garçon qui est arrivé qui lui a demandé s'il pouvait juste avoir une saucisse. Fait que on lui a vendu juste une saucisse. Combien? Puis là, j'ai dit, est-ce que ça te dérange si je la prends avec mes mains, tu sais, parce qu'il reste plus de gants. Fait que là, il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Et Liliane a tout simplement lâché, tu veux que Tania Bourdin te donne ta saucisse active. Ah! Il y a personne qui a fait un commentaire, veux-tu de la mayonnaise ou rien? Ah, il y en avait déjà sur la table. Écoute, les gens se servaient par eux-mêmes. Ah, alors de ce côté-là, j'avais rien à faire. Mais t'as pas brûlé sa saucisse au moins. Tout le monde a ri, là. J'ai fait, c'était tellement wrong ce que tu viens de dire, là. Tu peux pas dire ça. Alors, je veux dire que brûler comme ça, c'est faux. La photo est pas vraie. C'est faux, en effet. Yes! Oui, donc il y a plusieurs hommes qui ont eu des brûlures sévères à leur appareil génital ou même qui ont été électrocutés en urinant sur des clôtures électriques. Ça, c'est tout à fait vrai. Hey, t'imagines? Ouais, oh! Et même sur des rails de chemin de fer qui sont des fois électrifiés, hein. Hein, oui, pas mal, oui, toujours, oui. En fait, je pense. Ça. Le pipi, c'est rail de chemin de fer. C'est toujours électrifié, je pense. C'est ceux du métro, oui. Ceux des trains. Les trains, je suis pas certaine. Je sais pas. Bref. C'est ça, ça arrive, mais c'est très, très improbable. Sinon, presque, très, très proche d'être impossible. Et donc, il y a une histoire qui accompagne cette photographie que je t'ai montrée sur un redneck du Texas, bien sûr, avec une blessure malheureuse après avoir trop bu, après avoir fait pipi sur une clôture électrique. Donc, bref, c'est tout ça, c'est inventé, cette histoire-là, et ça n'a rien à voir avec l'origine de la photo, en fait. La photo d'origine qui accompagnait l'article, c'est 5 médecins chinois du département de l'urologie au Third Military Medical University à Chongqing. C'est publié dans le Asian Journal of Andrology. C'est un cas en 2003 sur un homme de 38 ans qui avait été donc demandé l'attention médicale à une clinique après avoir eu de l'herpès génital, un herpès simplex, c'est ce qu'on appelle. Une circoncision a été performée et le patient a été traité avec une diathermie à ondes courtes, si je comprends bien, qui était un petit peu excessive. Donc, ça a produit des brûlures sévères au machin et puis ça a fait une nécrose et de la gangrène. Oh là là! C'est charmant, tout ça. Donc, c'est faux. La photo est vraie, par contre, mais ça n'a rien à voir avec la clôture. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond... Faut faire attention. Est-ce que t'as dit que c'était vrai ou faux au départ? J'ai dit c'était faux. T'as dit faux parce que si t'avais dit vrai, je t'aurais donné un demi-point parce que la photo est vraie. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas le demi-point même pas. T'as juste rien. Hein? T'as juste pas de point pour celle-là. Pourquoi? T'as dit c'était faux? Ah, t'as un point, t'as raison, suis-moi. Hey, m'excuse. Calme-moi, donne-moi mon point sur 6 questions. Si t'avais dit vrai, je t'aurais donné un demi-point. Je te donne le point au complet, ça. Ensuite, est-ce que c'est vrai que le magazine Hustler aux États-Unis, que l'éditeur en fait du magazine Hustler, offre 10 millions de dollars pour avoir des renseignements contre Trump qui pourraient le faire quitter la présidence? Est-ce que Larry Flynt a demandé un pétard fumant, un smoking gun qu'il pourrait publier et qui pourrait faire que le président devrait quitter son poste? Larry Flynt, Hustler. Est-ce que ça dit par où il a demandé d'avoir ces informations-là? Tu sais, Twitter? Il a publié ça dans un journal. Une publicité. Je peux même te montrer la publicité dans le journal si ça peut t'aider à te faire une idée. C'est faux. C'est faux? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Oh! C'est vrai. Donc, ça se passe à Washington. Larry Flynt, l'éditeur fondateur du magazine de pornographie Hustler, qui offre jusqu'à 10 millions de dollars pour une personne qui pourrait donner des informations qui mèneraient à la destitution du président Donald Trump. Donc, c'était dans une publicité dans le journal de l'édition dimanche du Washington Post. Une page pleine, en fait. Pendant la dernière campagne présidentielle, aussi, M. Flint proposait $1 million pour quelqu'un qui donnerait des extraits vidéo et audio capturant donc le comportement illégal ou sexuellement reprochable du président. Ça suivait donc la sortie de la vidéo d'Access Hollywood en 2005 par rapport à pogner Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une petite fille s'est tenue après une porte de screen, tu sais, un screen dans une maison pendant l'ouragan Ophelia? Est-ce que c'est vrai qu'elle se tenait après une porte pendant que l'ouragan passait et que le vent pognait dedans puis qu'elle se faisait aller? Est-ce que c'est une vraie... premièrement, la photo, est-ce qu'elle est vraie? Et deuxièmement, est-ce que... OK, je vais te montrer la photo. Photo. Non, c'est bon. Faux, ça. Est-ce que la photo est vraie, premièrement, et est-ce que c'est vraiment pendant l'ouragan Ophelia? OK, c'est ça. La photo est vraie, c'est pas pendant l'ouragan. C'est exactement la réponse parfaite. Donne-toi le point au complet, là. C'est vraiment la parfaite réponse. Donc, l'ouragan Ophelia était en mi-octobre 2017. On a moins entendu parler que les autres, mais quand même. Et on voit une petite image animée. En fait, j'aurais pu te la montrer animée, là, mais en même temps, il faut pas te donner toutes les réponses. On voit la petite fille partir au vent. Ben, pas partir au vent, mais se tenir après la porte. Hashtag Ophelia. La scène montrée dans l'image a vraiment eu lieu. Ça s'est passé... ça ne s'est pas passé... Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler d'Ophelia, c'était en Irlande. Ah. Ça s'est pas passé en Irlande pendant l'ouragan Ophelia en octobre 2017, comme on disait. La photo, en fait, vient d'une caméra de sécurité pendant une journée très venteuse à Cleveland, en Ohio, quelques mois auparavant. Et la mère de la fille, Brittany Garner, a posté ça sur Facebook le 8 mars 2017. Et après ça, c'était devenu viral en mars. C'est même que la fille est passée au Today Show et à CNN pour en parler. Gardner assure que sa fille va très bien, n'a pas été blessée. Et la version complète de la vidéo est disponible dans l'article sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une femme a été tuée par un bâton, si on veut, d'urine gelée? Je te montre encore une fois une photo donc de l'urine qui aurait gelé et ça aurait percé la femme, et elle serait morte. Mais là, c'est tombé où, cette urine gelée-là? C'est en Grande-Bretagne. Ce serait du pipi qui aurait tombé, en fait, gelé d'un avion. Donc, j'imagine le pipi aurait passé... C'est faux! C'est en effet faux. Yes! C'était plus pour notre propre divertissement, celui-là. Ça vient, en fait, d'une émission à sketch. Pas d'émission à sketch, une émission britannique des années 90. Voilà, un icicle de pipi, un pipi-sicle, je sais pas trop quoi. Un pipi-sicle. Donc, c'est sorti en octobre 2017, cette image-là, montrant une femme tuée par un bâtonnet d'urine gelée qui est tombé d'un avion en Angleterre. Ça a rendu bien des gens perplexes. En fait, c'est une capture d'écran d'une émission de parodie de nouvelles qui s'appelle The Day Today, diffusée sur BBC Two en 1994. L'émission est dans un segment et juste avant le segment Chopper of Doom, mettant en vedette un hélicoptère piloté par un chien berger. Pendant le premier épisode de l'émission, donc de parodie de nouvelles, c'est vers les 1 minute dans la vidéo sur assemblagerequis.com et donc ça, l'oral, le sketch en tant que tel donnait quand même un petit peu l'impression de la nouvelle dont on vient de parler. Donc bon, il y a des gens qui ont pu prendre ça au premier degré. Ouais, hein. C'est ça. C'est comme Guy Nantel, tu sais, tu peux pas faire d'humour, parce que les gens le prennent au premier degré. Hein, ouais. Bref, c'est à peu près ça, c'est faux. Attention, Mathieu. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Ensuite, est-ce que c'est vrai que des... tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça? Des gicleurs. Les gicleurs. Est-ce que c'est vrai que les gicleurs ont sauvé une maison d'un feu de forêt massif? Donc, c'est une vidéo, c'est une photo et une vidéo sur Internet où on montre une maison entourée d'un terrain bien vert. Mais après ça, le reste, c'est de la forêt brûlée. Donc, tu vois que la maison en tant que telle est sur un terrain vert, mais après ça, tout ce qu'il y a à côté, tout sauf ça, est complètement brûlé par un feu de forêt. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est grâce aux gicleurs? Deux questions. La photo est vraie. OK. C'est pas grâce aux gicleurs. OK, on retient ça et on lit. En octobre 2017, donc une histoire qui parlait de feu de forêt aux États-Unis en Europe. Il y a une photo avec, bon, comme je disais, un terrain vert et après ça, le reste qui était évacué. L'image est réelle. Mais le site ne raconte pas l'histoire au complet. Yes! La photo a été postée par le Kansas National Guard sur la page Facebook le 7 mars 2017 avec d'autres images qui montraient la vue des hélicoptères Black Hawk qui essayaient donc d'éteindre le feu, bien sûr. Ouais. Daniel T. Taikman, propriétaire de la maison, a donc trouvé cette photographie du Kansas National Guard. Elle l'a amenée sur les réseaux sociaux pour ajouter un petit peu de contexte, en fait. C'est qu'elle arrosait généreusement son gazon pendant plusieurs semaines pour faire plaisir à ses vaches de compagnie. OK. Et elle a laissé les gicleurs fonctionner pendant qu'elle évacuait la maison alors que le feu approchait. Même si Taikman, peu importe, a laissé ses gicleurs allumés pendant le feu, c'était pas la seule source d'eau, bien non, sûr, qui a protégé sa maison. L'assistant pompier Doug Schmidt a commenté sur la photographie, expliquant que plusieurs pompiers avaient aussi réussi à arroser sa propriété. Et on a confirmé ça plus tard sur le site kansas.com. Donc, on s'entend que la maison est la seule chose qu'il y a à des mètres et des mètres autour de cet endroit-là. Donc, j'imagine qu'ils ont focusé sur la maison pour essayer de la sauver pendant que cette soirée avait lieu. Donc, c'est ce que j'en comprends par ça. Donc, vraie photo, pas tout à fait vrai que les gicleurs ont sauvé la maison. On dit que les pompiers étaient vraiment les héros de cette histoire-là. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un coyote a reçu un bain? Et t'as sûrement vu passer ça sur Internet, là, tout le monde partage ça, des messages textes, entre autres. Est-ce que c'est vrai qu'un coyote s'est fait donner un bain parce que la madame ou la femme pensait que c'était un chien? Donc, elle a envoyé ça par message texte à son copain. « Hey, on peut-tu l'adopter? On peut-tu garder ça? Mon petit chien est tellement cute! » Puis là, le gars dit « C'est un loup. Fais-le, coyote, pardon. Fais-le sortir immédiatement. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça se passe où? Ça se passe en Ohio. Pourquoi c'est tout à un? Je sais pas, c'est vrai que c'est souvent eux. Je tiens à dire que j'ai aucun préjugé envers les gens de l'Ohio non, ou de l'Iowa. Les Ohaïens, les Ohaïens. Je vais dire que c'est... faux. C'est faux, en effet, bravo. Une image de ce petit coyote tout triste dans un bain a pris de la popularité en octobre 2017 après que quelqu'un ait dit que, que l'animal a été comment dire... Pris pour un chien, mais c'était pas vrai. À Twinsburg, en Ohio, donc c'était sur un groupe Facebook. L'image circule avec cette histoire depuis au moins octobre 2017, mais avant ça, c'était partagé comme c'était un chien perdu dans Kerrville, au Texas. La photographie est vraie, date de 2014. Le coyote en question ne vit pas en Ohio. Il n'a jamais été pris pour un chien non plus. Uh-huh. Une agence de photographie a pris la photo. Ça montre Wiley. Donc évidemment, Wiley le coyote, comme dans Bip Bip et Coyote. Là. On s'entend que c'est le même nom. C'est... La référence est là. Il vit ce coyote de compagnie-là avec la famille Haynes à Eau Claire, dans le Wisconsin. Alors, on a commencé à prendre soin de ce coyote-là après que sa mère ait été tuée au printemps 2011. Triste, hein? C'est très triste. Ouais. Voilà, donc c'est pas vrai. Ensuite, il y a beaucoup de photos aujourd'hui, là, mais vous pouvez aller les voir sur assemblagerequis.com, mais les photos ne sont pas essentielles du tout à la nouvelle parce que vous avez, vous êtes capable de jouer quand même. Est-ce que c'est vrai ici qu'on voit dans le miroir Trump en train de se faire un spray tan dans le bureau ovale? Est-ce que c'est vraiment... C'est faux! C'est faux, t'es sûr? Ah non, c'est faux. Oh! J'ai essayé de te faire tricher un petit peu. J'ai eu peur. Bref, une image montrant le président Trump en train de recevoir un spray tan alors qu'il était nu dans le bureau ovale a circulé sur les réseaux sociaux à partir du 14 octobre 2017 sur le compte Twitter Defeat_GOP. L'homme dans la photo n'est pas Donald Trump. La photo a été prise par Alison Jackson, artiste connu pour son utilisation de personnes qui ressemblent à des vedettes pour créer des images style paparazzi. Et sa photo apparaît sur son site web dans son portfolio. C'est pas la première photographie de Jackson qui réussit à méprendre les utilisateurs sur Internet. Entre autres, Bill Clinton nu recevant un massage. Le président Trump à un rallye du Ku Klux Klan et un paquet d'autres photos comme ça. Tout ça vient de Alison Jackson. Son site est alison-jackson.co.uk. Ensuite, est-ce que c'est vrai que les pics du château de Cendrillon à Disney World, est-ce que c'est vrai que les pics du château sont enlevables si jamais il y avait un ouragan? Encore une fois, photo, les pics qui sont sur le sommet des tourelles, on les enlèverait si il y avait un ouragan proche. Bon, c'est le château de Cendrillon. À Walt Disney. À Walt Disney. World. World. Pas Land. World. Ouais. Je veux dire, c'est en vrai. En Floride. C'est faux. Hein? C'est dommage, mais hein? Mais la possibilité était quand même intelligente. Ben, je le sais. C'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant de le prendre. Donc, la Floride qui se préparait pour l'arrivée de différents ouragans en septembre 2017. Il y avait une rumeur qui commençait à dire que les équipes de construction de Walt Disney World à Orlando travaillaient très fort pour détacher les pics de la structure la plus connue du Magic Kingdom, donc le château de Cendrillon, pour empêcher de faire des dommages pour rien. Donc c'était étrange parce que ça avait l'air de confirmer une légende urbaine qui avait déjà été démentie il y a vraiment très très longtemps par rapport au fait que le château de Cendrillon était construit pour supporter quelque chose comme ça, un ouragan qui approchait. Les officiels de Disney disent que c'est complètement faux. Lorsque le site web du journal britannique The Guardian a dit que Walt Disney World avait fermé ses portes le 10 septembre 2017 avant l'ouragan Irma, l'article avait imbriqué un tweet notant que les pics étaient enlevables et avec une photo même du projet. Ce tweet-là s'est présenté sur plusieurs sites web, ça a été utilisé dans plein de reportages. On a pu retracer la photo en fait à une grue qui enlevait les pics du château de Cendrillon en février 2016. C'était pour enlever les lumières de Noël dessus. Ah! Donc c'est pour ça que ça vient de là, mais que The Guardian ait partagé cette photo-là avec la mauvaise information sans se renseigner. Ça, c'est du fake news. C'est vrai. C'est la définition même du fake news. Justement, on reste à Walt Disney World. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un manège ou en tout cas une attraction qui permet ou qui aide les gens à passer une pierre sur les reins? Tu sais, là, la pierre sur les reins que tu vois par l'urine, puis ça fait mais apparemment... répète le début. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une attraction ou un manège à Walt Disney World qui aide les gens à passer une pierre sur les reins? C'est le docteur David Wartinger de Michigan State University qui aurait dit ça, publiant une étude suggérant que ce manège-là, en fait, si tu veux savoir lequel, c'est Big Thunder Mountain. OK. À Disney World. C'est un manège. C'est vrai, c'est faux. OK, je vais te donner 0.5 points parce qu'en tant que tel, c'est pas prouvé que c'est vrai, mais ça veut pas dire que c'est faux. C'est okay. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, 0.5 points. J'aime bien, merci. C'est pas mal ça. Je me sens généreux pour cette fin de chronique-là. Merci beaucoup. Bref. Une étude, donc, dans le journal, le Journal of the American Osteopathic Association, disant que les expériences qu'il avait performées en utilisant un modèle de silicone réaliste de l'être humain avait confirmé que ça facilitait le passage du calcul rénal, qu'on dit, je crois, en français. Oui. Calcul rénal. C'est bien ça. Le Calcial Renal Calculi Passage. En anglais. Donc, ça pourrait être une alternative faisable au traitement médical dans certains cas, selon ce journal-là. Mais en tant que tel, c'est pas prouvé. C'est seulement un modèle qui a été utilisé. C'était du silicone, c'était pas un être humain en tant que tel. Ensuite, est-ce qu'un violeur a reçu la charge, donc a eu, s'est fait permettre de garder ses enfants, légalement, les victimes enfants de son viol? Dans le fond, il aurait violé une femme. Il aurait menacé de tuer une femme, même en 2008. Et il aurait reçu la charge de ses enfants pendant qu'elle appliquait, elle, parce qu'elle était pauvre, pour des food stamps, donc chômage, pas chômage, mais bien-être social. En octobre 2010. C'est faux, j'espère que c'est faux. Non, c'est vrai. What the? Ouais, je te jure. C'est en octobre 2017, donc plusieurs sources de nouvelles ont parlé d'un article du Detroit News disant qu'un homme avait reçu donc la charge légale de ses enfants après avoir... qui ont été conçus, eux, oui, quand il a violé une fille de 12 ans en 2008. Pardon? Je te jure, 12 ans en 2008. Selon selon Barbara Yuki, qui est avocate à Mirasolo, la charge des enfants, donc la question de la charge des enfants est arrivée lorsque la victime a appliqué pour le bien-être social dans l'État du Michigan. La victime, on parle de la femme maintenant. Le cas n'était pas le premier de son genre à faire les grands titres à Détroit. Donc c'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs années avant, un homme avait dû payer une large somme de comment t'appelles ça? D'argent, ouais, mais de pension alimentaire, à l'État, même si le test de paternité avait déterminé que l'enfant en question n'était pas à lui. Donc il y a plusieurs controverses qui sont passées comme ça dans cet État-là, ça va pas super bien. Donc la femme, la victime, a voulu corroborer ces propos-là sur l'assistance publique. Le bien-être social. Selon le Detroit News, Mirasolo, l'avocat de tantôt... non, pas l'avocat de tantôt. L'avocat du gars. Mirasolo, c'est le nom du gars. Tantôt, okay. J'ai dit la ville, c'est le nom du gars. Kidnappé la victime et sa sœur, les a gardés en captivité pendant 2 jours avant de les relâcher et de menacer de les tuer si elles parlaient à quelqu'un. Il a passé seulement 6 mois et demi en prison et plus tard, il aurait fait d'autres victimes entre 13 et 15 ans. Voilà. Wow. Par contre, petite nouvelle, on annonce le 17 octobre dernier que l'acceptation de lui donner les enfants a été retirée plus tard. Ok. Mais à l'époque, au début de la nouvelle, lorsqu'il est sorti, c'était vrai. Ensuite, Un jeune homme très respectable, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est vrai? T'as sûrement entendu parler de cette nouvelle-là à travers ta vie. À un moment donné, c'est une des choses les plus répandues comme petit fait divers à dire. Est-ce que c'est vrai que les États-Unis, le gouvernement américain, a banni les dards de gazon? Tu sais, les dards de gazon, là, c'est des gros dards de plastique, je peux te les montrer, avec un pic au bout, là. Que tu lançais sur le gazon et ça pouvait... C'est vieux, ça! Ça pouvait blesser quelqu'un. Donc, est-ce que c'est une décision en 1988 sur ce jeu de cours arrière? En 88? Je dirais que c'est faux pour 88. C'est vrai. Hein? C'était 88? C'était en 88. Ben voyons donc. Le gouvernement américain... Je n'étais même pas née, puis je me souviens de ces affaires-là. Dis-moi pas ces affaires-là. Ben, je m'excuse. En fait, ça a tué un garçon, un petit enfant. Un garçon ou une fille? En tout cas, un enfant. 2 octobre... Oh, excusez! Ça! Une petite bête, là, un animal de compagnie là, de sexe, là, peu importe. Ouais, 2 octobre 2017, donc, on a parlé sur les réseaux sociaux du manque d'action par rapport aux fusils aux États-Unis. Tu te rappelles, après les différentes fusillades? Donc, les gens disaient, ben, crime, en 88, on a pu faire bannir les dards de jardin. Qu'est-ce qu'on a fait avec les fusils? Hein? Mais c'est vrai, en 1987, la Food and Drug Administration avait déjà banni la vente des dards de gazon, aussi connu sous le nom de jarts. Okay. Par contre, le Consumer Product Safety Commission a trouvé un compromis avec les manufacturiers en 1976 qui leur permettait de les vendre sous certaines conditions. Les jouets ne pouvaient pas être vendus en magasin de jouets. Les vendeurs n'avaient pas le droit de les placer près du département des jouets. Et les dards qui étaient typiquement vendus en emballage de 4 devaient inclure un avertissement clair disant que c'était seulement pour être utilisé par les adultes. La question a ramené le sujet donc sur le spotlight, sous les projecteurs nationaux, via une campagne par M. David Snow. Sa fille de 7 ans, David Snow, Michelle, est morte dans sa maison en Californie en avril 87 quand un dard a pénétré son crâne. Oh mon Dieu! Ouais, au moins une recherche ou comment dire, une étude a estimé que le bout en acier avait frappé la fille avec une force de 23 000 livres par pouce carré. Okay. C'est vraiment extrême. Apparemment, c'est un très, très gros coup. Ça a perforé quand même le crâne de la fille et ça l'a tué. Hein. Donc, bref, il y a eu plusieurs témoignages devant un comité de la Chambre des communes ou peu importe, là, aux États-Unis. Là, la politique, je connais pas trop ça, les postes et les endroits. Mais bon, ouais. En octobre 88, 2 mois avant que l'acte de bannir ça entre en fonction, Snow a dit que sa bataille d'un an et demi était terminée enfin. Il avait fait 7 voyages à Washington pour en parler. Il y avait des cloches sur les pieds tellement il avait marché beaucoup pour pouvoir finalement se rendre à bannir cette chose-là. Bob Archer, un des propriétaires de Kent Sporting Goods, une chaîne, un distributeur de dards de gazon, a posé des questions par rapport à tout ça en disant que... qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est les dards de jardin qui tuent 3 personnes ou les fusils qui tuent des milliers par année? Oui, en effet, mais tu peux te battre pour les deux. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé de choisir. C'est comme, je le dis souvent, je me répète dans mes propos, là, mais c'est pas parce que t'encourages une cause comme l'autisme que tu encourages pas la cause comme le cancer. T'sais. Oui, non. Il y a 2 causes, tu peux te battre pour les deux. T'sais. C'est ça. Mais bref, le Canada a institué l'acte de bannir ces ventes-là de dards de jardin en juin 1989. Toujours un petit peu en retard, les Canadiens, toujours. Comme tout ça. Je sais pas, au Québec, vous êtes en 98. Québec bâché, non? Certaines compagnies ont travaillé autour de ça en vendant des dards en 2 parties. Le bout de plastique est individuellement emballé et le morceau de plastique est emballé individuellement. Donc, métal et plastique ensemble, pas ensemble, mais tu dois les visser toi-même. Ça contourne la règle. Fou pareil, hein? Vraiment. Je crois qu'on peut continuer parce qu'à date, j'ai pas l'impression que notre chroniqueuse de 8h30 va être là. À date, fait qu'on va continuer. En tout cas, hein? Jusqu'à présent, elle n'est point présente. C'est ça, fait que continuons. Est-ce que c'est vrai, on a parlé de Cendrillon tantôt dans chez Walt Disney World. Est-ce que c'est vrai qu'une chirurgie qu'on appelle la Cinderella Surgery pour modifier les pieds pour ressembler à des talons hauts? Et là, encore une fois, là, pour vrai, si je te montre la photo, tu vas tout de suite dire que c'est faux. C'est ok, clair. Vas-y. C'est clair. Ah, franchement... J'aurais pas dû t'en montrer, sérieux. C'est faux. C'est faux. Est-ce que t'aurais dit vrai ou faux? J'aurais dit faux. Parfait. C'est ça pour vrai? Là? Ouais, ouais, je te jure. Est-ce que tu dis vrai pour vrai ou faux pour vrai ou vrai pour faux? Je dis vrai pour faux. OK. Donc, une image qui circulait sur Internet montrant un pied chirurgicalement modifié pour ressembler à un talon haut, c'est n'importe quoi. L'image est une version distorsionnée de la peinture numérique de Mathilde Pernier nommée Fake Six. Lorsqu'elle l'a posté sur la page sur le site 500 Pixels en 2013, elle avait tagué ça avec le mot manipulation, fake et Photoshop. Mais évidemment, quand même, faut le dire, il y a au moins un podiatre qui performe vraiment une procédure à la Cendrillon. Par contre, les résultats sont vraiment pas du même genre que ça. C'est vraiment pas la même chose. On montrait ici une autre photo quand même. Celle-là ici, qui avait l'air déjà un petit peu plus vraie. Ouais, ça c'est vrai. Vous pouvez aller la voir sur Mais c'est pas vrai, mais c'est vrai que ça a l'air plus vrai. C'est ça, c'est une photo de 2001, celle-là, qui s'appelle Overstepping, de l'artiste Julie Rapp. Donc allez voir les photos si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un directeur d'école démocrate a fait caca devant ses étudiants pendant le Pledge of Allegiance? I pledge allegiance to the flag of the United States of America. C'est faux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu dis que c'est faux? C'est faux! Yes! Donc, c'est le directeur de Springfield en Ohio. Si je t'avais dit Ohio, t'aurais vraiment dit que c'était faux encore plus. Là, parce que tout se passe en Ohio. C'est ça. Bref, c'était sur un site de nouvelles, yournewswire.com. C'est un faux article datant du 8 octobre 2017. Il avait supposément été arrêté après avoir déféqué sur son bureau pendant le Pledge of Allegiance. Le gars a l'air tout à fait sain d'esprit. Ah, mon Dieu. Aucune vérité dans cet article. Nous en reste deux, on va continuer comme ça. Est-ce que c'est vrai que Hugh Hefner a payé pour être enterré à côté de Marilyn Monroe? Tu connais Hugh Hefner, fondateur de Playboy? Ouais. Il aurait payé 75 000 $ pour être à côté de l'actrice Marilyn Monroe, qui était en fait la première centerfold de Playboy. Est-ce que c'est vrai? Dans un cimetière de Los Angeles. 75 000 $ US, bien sûr. Marilyn Monroe, actrice et chanteuse, c'est ça? Actrice, je pense que oui. C'est faux! C'est vrai! Oh. Après sa mort en septembre 2017, le fondateur du magazine Playboy avait été critiqué par les libéraux et les conservateurs pour, entre autres, avoir voulu être enterré à côté de l'actrice Marilyn Monroe, malgré le fait que Marilyn Monroe était vraiment pas contente d'avoir été en vedette sur la première couverture et dans le premier centerfold. Un site web conservateur, New Wave Feminists, a ramassé plus de 94 000 partages sur Facebook pour un post parlant de Hefner et son attirance pour Monroe. Donc, il a été enterré au Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park à Los Angeles. Il aurait été enterré à côté de Monroe, qui a été placé dans le même cimetière en août 1962. Hugh Hefner a dit au Los Angeles Times en 2009 qu'il avait payé 75 000 $ pour être enterré plus tard à côté de Monroe. Il croit aux choses qui sont symboliques. Donc, passer l'éternité à côté de Marilyn était la meilleure idée pour moi, dit-il. Le site Snopes.com a contacté Playboy Enterprises pour demander des commentaires. Ils n'avaient pas eu ces commentaires-là lors de l'article. Alors, on dit que Monroe était sur la couverture du premier magazine de Playboy en décembre 1953. Elle était aussi le centerfold, donc le petit poster, l'affiche qu'on déplie à l'intérieur. La photo du centerfold a été prise en 1949, complètement nue. Et dans sa biographie, Marilyn, Her Life in Her Own Words, George Barris cite Monroe. Ouais, c'est ça, est-ce que c'est ça, oui. Qu'elle a accepté la proposition de Tom Kelly, sa proposition de la payer seulement 50 $ pour la photographier nue. Et elle avait vraiment pas de travail, pas d'emploi stable et pas d'argent, donc elle a accepté. Monroe a signé une décharge pour cette photo-là sous un autre nom, Mona Monroe. Hefner aurait payé 500 $ seulement pour acheter cette photo-là pour pouvoir la mettre dans le magazine. Mais c'est ça, Marilyn Monroe n'était pas contente que sa photo soit utilisée. Ah ouais? Alors qu'elle avait signé la décharge. Bon. Donc, la photo ne lui appartenait plus. C'est comme ça. C'est des choses qui arrivent, il faut lire les contrats qu'on signe. Et voilà. Ensuite, on termine avec celui-là. Est-ce que c'est vrai? Je vais te montrer une vidéo dans ce cas-ci. Une vidéo qui est disponible sur assemblagerequis.com, bien sûr. Je vais te la repartir au début parce que ça va assez rapidement. Tu me diras si ça joue comme faux. On voit deux voitures presque se foncer dedans, en fait, et la voiture sort de nulle part, tu vas voir. À un moment donné, tu vas voir la photo, la deuxième voiture arrivée, elle était pas là avant, on dirait. Est-ce que tu vois? Oh, est-ce que tu vois, Tan? Ouais, je vois, je regarde la vidéo. OK. C'est parce que là, déjà en partant, le motocycliste vient de passer sur un chien, fait que je veux dire que c'est faux. OK, ben, on va voir, c'est faux, en effet. Merci. Une image donc animée qui montre des voitures se manquer l'une l'autre à une intersection super occupée. Apparemment que c'est la tradition là-bas de conduire très très vite et que les gens sont vraiment habitués de passer les uns à côté des autres. Mais c'était donc une vidéo qui avait été postée sous le nom de What Kind of Hick Town et Traffic Without Women. Évidemment, il faut tout le temps qu'il y ait un commentaire sexiste, une ville sans trafic sans femmes, comme ça allait améliorer les routes. Bref, ça montre une portion d'une vidéo qui, à l'époque, ajoute un autre 30 secondes et se termine avec un accident majeur avec une voiture jaune, une voiture de police et un camion. Donc, la portion de la vidéo qu'on voit où les gens se passent un à côté de l'autre en voiture était une création par ordinateur. Ah ah, je voilà. savais. C'est ça. Voilà, Elkrim, on a passé au travers de tout ça. Oui. Vraiment, j'étais pas supposé aller jusqu'à la fin de ces articles-là, comme vous pouvez le comprendre. Bref, c'est une vidéo sur YouTube par Inaki Mero, le 30 mai 2017. C'est un modèle 3D, en fait, le logiciel SketchUp a été utilisé pour créer cette séquence de crash, et les 30 premières secondes où les gens ne se foncent pas dedans ont été choisis par quelqu'un sur Internet pour faire comme si, pour faire un commentaire sur les femmes, bien sûr. Mm-hmm. Hein? Voilà, il y a plusieurs autres expériences d'effets visuels sur sa page Facebook à Monsieur Mero. Et il y a une autre de ses vidéos avec des camions qui explosent, des tirs de fusil et des véhicules qui lévitent dans les airs. Donc c'est dans les notes de l'émission numéro 1149. Prenons une pause. Au retour, ben, je pense qu'on va continuer ça avec d'autres choses qu'une chroniqueuse de 8h30, je pense. Ah, après, on verra. Des choses qui arrivent. Matinale en pièces détachées, assemblage requis jusqu'à 10h avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Dans quelques instants, justement, Tania va nous faire sa deuxième chronique de Tania is gonna entertain ya. Mais avant ça, on écoute Cherry Cherry avec Tragédie en Tuxedo. Cherry Cherry. Oh là là. Assemblage requis. Maintenant, vous l'aimiez tantôt, vous allez l'adorer encore plus. Une deuxième fois, voici Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania. Qu'est-ce que t'as au nez, cousin? Je sais pas, les sinus, qu'est-ce qui se passe? Ça me pique dans le nez. Dans le nez? Une chance que tu te grattes pas dans le nez? Je sais pas. À radio. Ça fait quelques fois que ça m'arrive, c'est bizarre. Hein? Le CRTC va nous dire pas le droit de se décoter le nez. Ça, non? Exactement. Donc, on parle de changement d'air, cette deuxième chronique. Oui, tout à fait, parce que, bon, peut-être que vous le savez pas. Si vous le savez pas, bien, mettez-vous une alarme, parce que dans la nuit du 4 au 5 novembre prochain, c'est-à-dire pas mal en fin de semaine, ouais. Là, plus précisément à 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, on va reculer l'air. Donc, on va vivre deux fois la même heure. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'à 2h du matin... Il va être 2h... À 3h du matin, il va être 2h du matin. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça va faire 2h59, 2h. C'est ça. Mais je pense que les gens de nos jours, je sais pas, c'est peut-être juste moi, hein, mais des fois, je me rends pas compte parce que tous nos appareils, ordinateurs, tablettes, téléphones, changent d'heure. Ouais. Donc après ça, ils te restent comme « Ah, mon micro-ondes! » Tu t'en rends compte quand que t'es dans un bar, mettons. Parce que ça dure, t'as une heure de plus pour veiller. Une heure de plus. Oh boy! Ouais. Il y a des stations de télé aussi qui diffusent des émissions spéciales, oui, parce vrai. Que t'as deux fois la même heure. T'sais. Exactement. Donc, pour la plupart des gens, le changement d'heure en mars puis en novembre, bien, ça cause un peu plus de dérangement que tout simplement changer l'heure sur sa montre ou sur son four. Ben oui. En effet, la différence de 60 minutes, ça a un impact qui est quand même assez important sur les gens, puis on s'en rend pas nécessairement tout le temps compte. Au Canada, le changement d'heure, ça a été officialisé, ça chez là en 1963 et à la base on changeait d'heure pour réduire la consommation d'électricité, ouais. En particulier celle qui était reliée à l'éclairage. Donc peut-être que certains d'entre vous se rappellent de Jean-Marc Parent qui parlait de flasher ses lumières. Oui, ben oui, quelle mauvaise idée, hein. C'était ouais, c'est ça. Quelle mauvaise idée. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, par exemple. Ouais. Moi, je me rappelle, on faisait ça chez nous. Ah oui? Hein? On a déjà participé à ça. TQS, hein? Ouais, malade. Donc, il y a certaines personnes, certains chercheurs qui se sont basés et qui se sont penchés sur la question qui expliquent que le changement d'heure, ça a des conséquences bien au-delà d'une heure de sommeil en plus ou en moins. Et le changement d'heure, ça affecte pas mal tout le monde. On parle du... terrorisme moyen-oriental à la fréquentation des salles de concert, à la participation électorale au profit des stations de radio. Ça a un effet quelconque sur beaucoup de gens. Ouais. Donc, si l'impact du changement d'heure, c'est considérable, comment est-ce que ça nous affecte exactement? Ouais. C'est la question que plusieurs se posent. Ça affecte notre cycle de sommeil en partant. Donc, bien sûr, on va gagner une heure de sommeil en automne. Ça peut sembler incroyable, extraordinaire. Pour certains, on va se réjouir incroyablement de cette chance. Mais ça affecte quand même notre rythme circadien, ouais. quand on se réveille, en pensant qu'il est une heure de plus ou de moins. Donc, on va essayer d'atténuer ces effets-là du changement d'heure. On va essayer d'aller au lit 30 minutes plus tôt tous les jours avant. Ah, OK. Donc, ça a commencé là, mettons. Oui, ben si oui. Vous ne le saviez pas avant, là, peut-être ça va changer quelque chose. Exactement. Mm-hmm. Par la suite, ça peut empirer l'acné hormonale pour ceux qui en souffrent déjà. Ah oui. Donc, avoir une mauvaise peau, ça affecte le moral. Oui, ben et oui. Et le moral affecte une mauvaise peau aussi. C'est sûr. C'est vice-versa. Hein? On dit que le changement d'air, ça peut empirer l'état de la peau. Le changement, en fait, ça va affecter nos hormones. Surtout parce qu'il y a un changement dans notre rythme de sommeil, comme j'expliquais tout à l'heure. Et ça peut vouloir dire une augmentation d'acné. Pour ceux qui font déjà de l'acné, c'est vous qui devez faire attention. En fait, pas ceux qui n'ont jamais fait d'acné. Là. Pour ceux qui ont quand même une peau, je veux pas dire normale, mais qui ont une belle peau, Ouais. Vous n'allez pas avoir des boutons demain matin ou dimanche matin. Mmh. Là. C'est ceux qui vont avoir des antécédents d'acné quand même assez problématiques. Vous allez peut-être pouvoir voir une différence. C'est important de garder une routine qui va être très stricte au niveau de notre peau avant d'aller au lit surtout et de relaxer avant de dormir pour que notre sommeil ne soit pas nécessairement interrompu et pour que nos cellules de notre peau puissent se réparer pendant la nuit. Parce que pendant la peau travaille. Hein? Peut-être que certains d'entre vous ne le saviez pas. Mais pendant votre sommeil, votre peau travaille. C'est pour ça aussi que, mesdames, on vous demande de vous démaquiller avant d'aller vous coucher. Ah, ben oui. Parce qu'on ne veut pas que notre peau travaille en même temps que d'avoir des choses dans les pores. Mm-hmm. Alors, un bon balance petit nettoyage, tes pores, hein, c'est comme ça. On dit. Balance tes pores. Fais attention. Par la suite, ça peut augmenter le risque d'avoir une crise cardiaque. Sachez-le. Hein? Wow. Oui, mais là, on s'en vient, là, explication, ne vous inquiétez pas. Ça peut sembler quand même assez drastique, très dramatique, mais on a démontré dans une étude qui analyse les dossiers de 43 000 patients qu'après le changement d'air au printemps, il y a une augmentation des cas de crise cardiaque et il y a aussi une diminution des cas au printemps. Mmh. Donc, le lundi suivant le changement d'heure du printemps, on va voir une augmentation des cas de crise cardiaque. Pas genre 0,5%, là, pas 5%, là, 24%. Hey boy. C'est énorme! Wow. Tu sais, tu y penses pas. J'imagine que les personnes âgées sont peut-être plus touchées aussi parce que, bon, justement, notre cycle de nuit change et est un petit peu chamboulé, rythme cardiaque avec hey, tout ça. Ceux qui soupent à 4 heures, il va falloir qu'ils soupent à 3 heures. C'est fou, tout. Hein? Ben oui. C'est ça. C'est exactement ben oui. Ça. Ça augmente aussi le risque d'avoir un AVC. Donc, on vient de parler d'une crise cardiaque. Mais comme si le fait d'avoir une crise cardiaque, c'était pas assez inquiétant, il y a eu une étude finlandaise qui a étudié les dossiers de patients sur une période de presque 10 ans. De 2004 à 2013, en fait. Et on a trouvé que le changement d'heure, ça augmente aussi le risque d'avoir un AVC parce que votre rythme circadien est encore une fois perturbé. Donc, c'est similaire au cas de crise cardiaque. On va être en augmentation dans les deux jours qui vont suivre le changement d'heure et la différence va diminuer pendant la première semaine. Donc, faites attention aux deux premiers jours après le changement d'heure. C'est-à-dire, dimanche soir, lundi soir... Tu sais, quand vous allez voter, mettons, dimanche, là, les personnes âgées... Ça va vous stresser bien raide. Ils vont être mêlés, là. Oui. Changement d'heure et voter. C'est sûr. Ça va être la confusion totale. Incroyable. Je sais. Ça s'arrête pas. Ça peut aussi causer davantage d'accidents de la route. Hein? Ben oui, parce que l'impact sur les accidents de la route, ça a été documenté à travers les années. Et on a des conclusions d'un essai de 3 ans. Donc, de 1968 à 1971, ça dure, là, ça fait quand même quelques temps. Et on parle du gouvernement britannique aussi qui avait fait cette étude-là, mais pendant lesquelles les horloges n'ont pas été changées et que le nombre de personnes qui mouraient ou qui étaient sérieusement blessées sur les routes descendait considérablement. En fait, c'est dû au fait que les routes restaient éclairées beaucoup plus longtemps. OK. On ça se tient quand même. Pas. Ben oui. On pense pas à ça. Mais... Mais c'est logique. C'est une conséquence, ça. Mm-hmm. Une conséquence peut être positive ou négative. Donc c'est là, vrai. Cette fois-ci... T'sais. C'est positif. C'est ça. C'est ça. Bon. Ça peut vous mettre de mauvaise humeur, sachez-le. Ça, c'est vrai. Sachez-le. Pour ceux qui ont tendance aussi à avoir des dépressions saisonnières, ouais. C'est sûr et certain que c'est pas mal au changement d'heure que vous allez voir les gros moments arriver. Tu sais, je m'en retourne chez nous là, quand il fait noir, puis je me dis... OK, peut-être que la luminothérapie, c'est pas une si mauvaise ouais, idée. Oui, c'est ça, exactement. Le changement d'heure, ça a un effet direct sur l'humeur. Ouais. Pognez-vous pas ce soir-là parce que c'est sûr que ça va mal finir. Donc, dans une étude d'un groupe de juges qui était légaux, fait en 2016, les chercheurs ont trouvé que les juges donnaient des sentences beaucoup plus longues ben, lorsqu'ils manquaient de sommeil pendant le changement d'heure du printemps. Hey, hein? Sérieux. Franchement. Mm. Mais là, on va le gagner. On va la gagner, cette heure-là. Mais ça va quand même perturber votre humeur. Soit vous allez être beaucoup trop joyeux, il y a quelqu'un d'autre qui va être en dépression saisonnière, changement d'heure, avec changement d'heure, ça va clasher, ah, c'est ça. Je vois pas comment tu peux être d'over bonne humeur avec ce genre de température. Moi non plus. C'est massage. Mais tu gagnes une heure de sommeil. C'est sûr. Si tu couches à une bonne heure, tu la gagnes. C'est vrai. Une autre chose qui peut être affectée par le changement d'heure à laquelle on penserait vraiment pas... Ça nous coûte plus cher. Ben oui. En fait, le changement d'heure a été instauré, comme on l'a dit, pour sauver de l'argent en coût d'électricité. Ça aurait l'effet contraire, en fait. Mmh? Oui. Il y a des chercheurs à l'Université de Cambridge qui ont trouvé qu'une heure supplémentaire de lumière en hiver pourrait sauver 485 millions de livres ou 815 millions de dollars canadiens, pour être plus précise, et parce que les gens utilisent moins d'électricité et de chauffage. Ben oui. Tout ça est vraiment super évident quand on y pense. Ben oui! On y pense pas. Mais c'est ça, on pense jamais à ça. Et là, comment est-ce qu'on peut se préparer... Mentalement, à la venue de ce changement d'heure-là? Et en fait, il faut beaucoup anticiper. Oui. Il faut qu'on se mette dedans. Vote par anticipation, là, même c'est affaire. Penser par anticipation. Donc, il y a 3 conseils, en fait, pour se préparer au changement d'heure. Et il faut pas avoir d'appréhension. Tu sais, les perturbations que ça peut engendrer par le changement d'heure, le sommeil. Tu l'as déjà vécu, tu le vois venir. Exactement. C'est pas insurmontable, sachez-le. Là, vous allez vous en sortir. C'est un changement d'heure. C'est pas la fin du monde. Déjà en partant, en vous disant ça, ça anticipe pas mal. Ouais. Avant la date butoir, donc dans la nuit de samedi à dimanche, on va commencer à essayer de modifier nos habitudes, mais en douceur. Ouais. C'est-à-dire qu'on va reculer un petit peu tous les jours l'heure de notre dîner. Ah, je comprends, c'est pas de fou, 10 ça. Ou de 15, puis finalement de 20 minutes. Pour habituer ton ventre et ton c'est... cerveau. Exactement, c'est parce qu'on va prendre le temps de se détendre aussi en ouais. mangeant. Chose que, justement, lorsqu'on va reculer l'heure, ça va jouer. Tout ça va jouer sur notre système. Là. Ouais. On va se remettre à l'écoute de soi aussi. Oh. Écoutez-vous. Okay. C'est impératif d'être attentif en fait aux besoins de notre corps, de notre esprit, de les écouter et de les comprendre. Donc dans les jours qui vont précéder ce changement d'heure, là, pas mal là. Si vous vous dites ah mon Dieu, hey, je suis fatiguée, on dirait que je suis déshydratée, buvez de l'eau. Oui. Buvez de l'eau. Écoutez votre propre corps. Si vous réalisez que vous avez peut-être des problèmes d'estomac, là, ben faites le petit truc, là, commencez à changer peut-être votre heure de dîner ou de souper. Ça va peut-être avoir un bon effet. On va essayer d'y aller aussi de façon positive. Mm-hmm. Là, tout à l'heure, je parlais d'anticipation, mais le positif, c'est quelque chose qui peut changer. Ça veut dire qu'il faut vivre le changement comme une opportunité et non pas comme une contrainte. Trois conseils, encore une fois, pour garder le sourire. Une heure en plus, on va essayer de profiter pour se reposer le plus longtemps ou pour faire autre chose qu'on n'aurait pas eu le temps de faire. Mm-hmm. On s'entend, là, faites-le pas à 3h du matin. Ben, c'est pareil, ça, tu sais. Ouais. Faites-le à 10h, mettons, je sais pas. On a le droit de changer l'heure à l'avance, là, pas obligé d'attendre. Ben oui, exactement. On va se connecter avec des sources de lumière puis des sources de chaleur. C'est ça, j'ai dit tantôt, la luminothérapie, ben c'est important. Ben oui, c'est de ça dont on va être privé cet hiver. Et c'est souvent ça qui va aggraver les dépressions saisonnières. Fait que le plus que vous pouvez avoir de lumière, là, dans les prochains jours, là, avant samedi soir... Ouais. Ça presse, faites-moi yes. ça. On va réfléchir aussi à ce qui nous fait du bien. N'hésitez pas à en profiter oui. pour vous redonner un petit peu de baume au cœur. Un boost. C'est ça. On s'entend, là. Si vous, ce qui fait un petit baume au cœur, c'est vous te saouler, ça peut être négatif, trouvez OK? Autre chose. C'est ça, faites attention. Ce qui vous fait du bien en temps normal, c'est le self-care. Oui. Pensez à ça, OK? Dans les prochains un jours. Un petit bain, là. Exactement. Self-care, on va essayer de prendre soin de soi. Mm-hmm. Dans les quelques jours qui précèdent, là, on va prendre le temps de s'étirer okay. au réveil. Sachez-le. Ouais. On va essayer de s'étirer comme un chat. Comme un chat. Et après chaque coup de fatigue journalier aussi, on va s'étirer. On est tout le temps en train de s'étirer. Exactement. Ces temps-ci, hein. C'est vrai, hein? C'est fou. On va, si vous avez la chance, là, dans les prochains jours, bain chaud, ouais. bouillotte. Ah, oh, j'aime les bouillottes. Je suis vraiment un fan de bouillotte. Tisane. Ça repose notre système nerveux ouais. et notre corps. C'est ça qu'on cherche. On veut pas le perturber. Le petit peigne à pic pour la tête, là. Tu as déjà essayé ça? C'est hey, paradis, c'est, ça, c'est merveilleux. C'est hein? comme, autant comme t'as décroté les oreilles avec un Q-tip, avec un cure-dent. Un Q-tip. Ben, c'est quasiment la même affaire à côté piquer ton tympan, oh, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment aussi excitant que ça, je trouve. Ouais. Le petit pic sur la tête, là. Je sais, hein, ouais. c'est le fun. C'est tellement fun. On va essayer d'en profiter aussi pour faire des activités qui vont être créatives. Oui. Du dessin. Bricolage. Du scrapbooking. Oui. De la couture. Oui. Juste de la rêverie. Juste être assis, là, puis penser à quelque chose de positif. Fantasmer avant de faire le changement d'heure. Daniel okay? l'a dit. C'est des moments de douceur intérieure qu'on cherche, en fait. Parce que ça a l'air de rien, mais notre corps, il y a quand même de la difficulté à s'habituer, même si ça fait des années et des années qu'on fait ça. Là. Ouais. C'est perturbant pour un corps de devoir changer juste d'une heure. Hmm. Imaginez quand vous êtes jet lag à cette heure. Tellement. Non, pour vrai, tu sais, des fois, je parle de mélatonine. Là. Oui. Pour ceux qui ont justement du décalage horaire, peut-être pour un changement d'heure, ça pourrait être bien aussi. Ben oui, tout à mélatonine. Fait. Ouais. On va essayer de se faire plaisir aussi dans notre assiette dans les prochains jours. Donc, les veloutés. Ah, bien. Les potages, juste. Mm. Oui, exactement. Donc, les soupes maison. Noix, amandes, fruits, légumes de saison. On lâche pas. Là. Fantastique, ça. On rentre là-dedans. Là. C'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il va faire noir ouais. très très rapidement, ça va rester longtemps. Et souvent, lorsqu'on est dans ces moments-là, on prend pas nécessairement le temps de bien manger parce qu'on est morph. On est amorphe. Exactement. Ouais. Là, on veut faire le boost là, d'énergie, de nourriture avant que ça arrive, tout ça. Donc, le potiron, que ce soit en velouté, en tarte, en risotto, c'est onctueux, c'est bon, c'est chaud, c'est ça qu'on cherche. Miam. On mange bon et chaud dans les prochains jours. Avant le changement d'heure. Okay. On n'oublie pas aussi de faire du sport. Si c'est possible, lancez-vous là-dedans parce que vous allez voir dans quelques temps, ça va vraiment pas vous tenter de vous lever à 5 heures pour aller courir ou de le faire à 5 heures quand vous allez revenir puis il va déjà faire noir. Ouais. Donc, le patin à glace, quand il va commencer à faire froid, quand les étangs vont geler, on va essayer d'y penser. Sinon, les arénas. Ah, ben oui. Présentement, là, la plupart sont déjà ouvertes. Donc, on va essayer de patiner le plus possible parce que ça s'associe naturellement au froid. Et c'est un plaisir. Donc, on va habituer notre corps à ce fameux petit froid-là. C'est un parfait exercice aussi pour les cuisses et les fesses, mesdames, sachez-le. Sinon, la gym, donc faire une espèce de combo d'exercices pour gagner, pour garder la ligne, oui, avec des exercices qui vont être différents. Et on peut le faire en groupe, donc avec nos amis. Sinon, le jogging. Parce que courir avec un équipement adapté, c'est le fun. Ouais. Ça inclut des gants, un bonnet, une veste. C'est possible de le faire l'hiver, mais comme je l'ai dit, te lever à 5 heures quand il fait noir, c'est pas mal moins plaisant. Ouais. Puis à 5 heures, quand t'arrives de travailler ou de l'école, c'est pas mal moins plaisant aussi parce qu'il commence à faire noir déjà. Donc, on va se mettre vraiment dans l'idée de devoir changer d'heure, de commencer à subir les effets de l'hiver. Et on va se mettre aussi en mode cocooning. Ah, ça, c'est le fun. Hey, ça, je pense que c'est le bout de le fun. T'as pas besoin de t'excuser, t'sais, c'est normal de rester chez vous. Écoute, de la laine, cachemire, mouton. Hey, lâche-toi lousse. Bouton ou mouton? Mouton. Mouton? Oui. Laine de mouton? Laine de mouton. Ah oui? Des matières qui vont être agréables, qui vont être douces. Ça peut être aussi élégant, sachez-le, pour affronter le froid, si jamais vous avez une petite date. Pour être à l'aise chez soi, c'est pas trop compliqué. On mise sur le col roulé large pour avoir l'impression de ne pas quitter son lit toute la journée. Oui, et c'est pas trop serré sur le cou. Exactement. Un legging en cachemire pour les soirs où il fait vraiment froid. Ah. Peut-être aussi un petit feu si vous avez la chance d'avoir un petit foyer. On apprécie particulièrement ce temps passé devant la télévision, sachez-le. Les gros bas fuzzy, là. Les gros bas. Je m'en allais là, Mathieu. Chaussettes. Ah, c'est le fun. Pour rester au chaud. Sinon, là, vous avez des pantoufles avec du minou. Tellement. Les pantoufles avec le minou, là, ça a l'air de rien. Là. Ah, c'est le fun. Ça rentre dans le cocooning, ça, mes amis, là. Incroyable. Faut se retrouver à sa grandeur, dans mon cas. C'est difficile. Avec une petite coupe, une petite tisane, devant le petit Netflix, puis là, tu t'es tapé toute la série au grand complet. Si ça existe. Si ça existe. T'es regarde. T'es regarde toutes. T'es regarde. C'est merveilleux. C'est ça qu'il faut faire pour se préparer au changement d'heure. Ouais. Sachez-le. Eh boy. C'est ça, là que ça se passe. C'est le fun. C'est pas le fun. Parce que comme dirait John Oliver, pourquoi est-ce que ça existe toujours, le changement d'heure? Why is it still a thing? Ça l'a toujours été, j'imagine. Ouais, mais c'est une tradition qu'on n'a pas besoin de garder. Là. Ben, est-ce que tout le monde se rassemble en famille entre 2h et 3h du matin pour célébrer le changement d'heure? Ben, moi, je me rappelle que dans le temps où j'habitais à Montréal... Ça se fête du côté de Montréal. Oh, parce que c'est une heure supplémentaire pour pouvoir sortir. Oh boy! Donc, il y a beaucoup de gens qui en ont fait un événement. OK. Bon. C'est, en fait, à Montréal, ça s'appelle la nuit sans fin. Ah! Et est-ce qu'au printemps, ils font genre une soirée hommage comme pour le décès de l'heure que tu perds? C'est comme mes condoléances. Non, c'est juste plate. Tu te fais mettre dehors genre à 2 heures. Triste. C'est comme ça. Merci, Tania. Hey, ça fait plaisir. Hey, moi, je regarde ça, là, tout ce qu'on a à faire là, pour le changement d'heure, là, puis je suis brûlé. Fait qu'on écoute Canaille et je suis brûlé. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Donc c'est coudon, peut-être que qu'est-ce qu'on fait donc. Dans la cuisine, en 400 calés comme des colons. Pas de colonne, mec, c'est l'autre colonne. On impressionne personne, on se donne dans pas long. Colonne, écoute fort avec la besogne. T'es pas de plus pis j'te cogne. J'ai brûlé jusqu'au bout, brûlé jusqu'au bout. Brûlé jusqu'au bout. puis des pilons de poulet, s'il vous plaît, tire, de nous laisser manger, tranquille, on se lève de notre hiver, la conquête du crème à gravy, grave, la ticket, au bord du maillot, du gosse, c'est effrayant, c'est gris, c'est évident, je remarque, je remarque, je remarque, je remarque. Regarde-moi pas, je suis trop content. J'suis brûlé, j'suis brûlé, c'est coulant, coude à côté, qu'est-ce qu'on fait donc? À qui qu'était canata, kimono, espat à coup de bâton, barré en kilos, et en cabané dans le salon, quel arrêt on avance en reculant, s'assoit dans nos fitons, puis putain, des pitons, Pokémon, pas autre, Pokémon, souffle des cassettes, de s'ouvrir, nos souffrir, qu'on se pige, des manettes, y'est du tôt, y'est du tôt, scotte un corbillard, pour décoller du vélo! J'ai brûlé jusqu'au genou. Il recommence à mouiller. Yeah. Ah, sache-le, Mathieu. Hein? Je suis brûlé. Ouais, je suis brûlé. Le canaille à assemblage requis. On prend une pause au retour et une grosse portion d'une grosse pointe à l'adresse. D'assemblage requis en ce jeudi 2 novembre 2017 avec Tania Baudin. Et Mathieu Blonde. Oui, l'émission qu'on tricote au fur et à la mesure que l'émission avance parce qu'on sait pas trop le plan d'aujourd'hui. Mm-hmm. Les choses changent au fur et à mesure, mais on se retrouve et on a du plaisir. Alors, on va justement utiliser cette troisième ish heure pour déguster quelque chose et après ça parler de nouvelles de fast-food. Donc une bonne petite 45 minutes pour la chronique une grosse pointe d'adresse, mais on va la diviser en deux portions un peu comme on le fait nous les obsessifs compulsifs dans notre assiette. On met les affaires séparées, chacune dans leur coin. Et la première portion, c'est bien sûr la dégustation dans une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur, quelque chose de malsain, quelque chose qu'on ne devrait pas acheter, mais qu'on achète quand même parce que ça nous fait un petit velours. Un petit velouté. Un petit velouté dans le bed. Puis je vais t'avouer que ce matin, j'ai particulièrement faim. Moi aussi, ça grouille et ça grogne et ça fait plein de choses qui commencent en GR. Justement, on va peut-être faire du GR comme dans grignoter aujourd'hui. Des petites barres, j'ai trouvé un produit qui m'a l'air assez granolo. OK. Granolo, persécution? Non, c'est Manolo, ça. C'est Manolo, Mathieu. Donc, c'est par la compagnie... Qui vient de Trois-Rivières, pas ça. Maxime Desbiens-Tremblay, pas Manolo. Manolo vient de Montréal, ouais, sûrement. Ouais, non, ça, je c'est sais. Ça. Ouais. Bref, la compagnie VA, World Recipes, c'est marqué nouveau dans le coin, donc j'imagine que c'est nouveau. Ouais, peut-être. Ce sont des mini-bars croquantes à saveur de patates douces péruviennes. OK. Intéressant, sans arôme artificiel, sans colorant artificiel. Donc, c'est en petite barre, ça a l'air d'être des barres, je crois, non emballées, parce que ça croustille pas mal quand je le brasse. Il n'y a pas l'air d'avoir du plastique autour. On va voir. Sur l'emballage, on les voit, elles ont l'air très, très... On dirait des carottes, mais c'est des patates douces oranges, on s'entend. Ouais. Mais ça fait vraiment santé, je sais pas. Patates douces péruviennes, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'on doit préciser qu'elles sont péruviennes. Est-ce qu'elles sont meilleures, les patates douces péruviennes? Peut-être. Au Pérou, on sait pas. Qui sait? En arrière, on a un petit texte de présentation. Nouvelle mini-bar croquante à saveur de patates douces péruviennes, des goûters cuits, croquants à souhait, composés de patates douces râpées et d'une touche de poivre de Cayenne, combinés à des ingrédients comme des graines de chia noire véritables. Embarquez dans l'aventure! VA, qu'on doit prononcer VA, VA, ouais. VA, parce qu'il y a un accent circonflexe sur le A de ma prononciation, VA. Hein? Aventure, exploration et voyage, c'est ce que ça veut dire. Intéressant. Okay. Ingrédients, patates douces séchées, farine de blé, huile végétale. Ensuite, on a des extraits de romarin, sucre, ensuite riz brun croustillant, noix de coco râpée séchée, graines de chia et assaisonnement séché, levure chimique, sel de mer et fécule de maïs. Ça contient du blé, donc pour les allergies, ça contient du blé. C'est importé par Mondelez International, la grande multicorporation multinationale que bien des gens aiment détester, donc Mondelez Canada Inc. C'est bon jusqu'au 21 décembre et c'est sans OGM. C'est pas mal tout ce que j'ai à lire parce qu'il n'y a rien d'autre dessus. Le sac est vraiment comme un genre de brun, ouais, beige, pâle. Vraiment style c'est bio. Très grano, c'est très bio. Je te lance ça et le micro magique nous attend. Tu t'es vraiment mal lancé ça. Je lance mieux de la main gauche, je sais pas pourquoi. On dirait que ça m'intrigue là, vraiment beaucoup. Bon, tu vois, ben, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il y a... En plus, ça dit agrandi pour montrer la texture. Ah et non, c'est minuscule. Vraiment petit. C'est ça. Ça doit être vraiment tout petit, tout petit. J'ai vu qu'il y avait d'autres saveurs, j'en parlerai tantôt, mais on écoute l'ouverture du sac. C'est sûr, c'est moi qui ouvre le sac, fait que ça se fait tout croche. C'est pas son plus grand talent. Zéro. J'ai beaucoup d'autres talents, mais celle-là... Oh, ça sent les carottes! Ah, ben, pourtant, c'est pas parce que c'est orange que ça, c'est supposé être des carottes. Mais est-ce qu'il y en a? J'ai pas lu carottes tantôt dans les ingrédients, non? Si tu veux savoir les autres saveurs, il y a saveur d'herbe mexicaine du jardin. Okay. Il y a saveur de noix de coco à la thaïlandaise. Mm. Saveur d'humus grec et huile d'olive. Ça a l'air des petites patates hash brown. Oh, miam. Ça ressemble vraiment à ça. Il y a saveur de quinoa andin et épices. Et je crois qu'il y en a d'autres encore, merci. Non, je crois que c'est tout. Ouais, quand même. C'est un rabais découverte en ce moment. Il était à 5,50$. Ouh! Ouais, bon. Je trouve vraiment que ça ressemble à une petite patate hachée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça a l'air beaucoup plus léger que j'aurais pensé comme bar. Quand tu la prends, c'est comme si tu prenais rien, comme de l'air. On dirait qu'il est vide. Ouais, je me demande si ça va être salé ou sucré. C'est vrai que ça sent la carotte. Ça sent les muffins aux carottes. Ouais, vraiment. Wow, OK. On y va? On y va. Mmh. Mmh. Ça goûte les muffins aux carottes. Mmh. Gâteau aux carottes un peu. Gâteau aux carottes, ouais. Ouais. Vraiment. C'est super bon. C'est très bon. C'est pas... C'est un peu sucré. Ouais. Mais pas trop. Non. Moins que j'aurais pensé. En fait, je m'attendais, avec le poivre de Cayenne, à quelque chose de plus piquant. Ah, OK. Et ce n'est pas. Non. C'est pas piquant du tout. J'en ai un deuxième. OK. Je pense que je vais le tester pour voir si ça va pas me tomber sur le cœur. Ah, OK. Continuons. C'est très sec, hein? C'est vraiment sec. Je le tremperais dans du lait. Mettons, si récemment, vous vous êtes fait retirer les dents de sagesse, mangez pas ça. Tranche de vie. C'est bon, mais c'est très grano. J'aime pas ça, j'en mangerais pas 1000. Ah ouais? J'en rachèterais peut-être pas. Moi, j'en mangerais. J'ai d'avoir un petit peu de côté piquant. Ça dépend du morceau. J'adore ça. En fin de bouche. Non, c'est bon. C'est bien. VA. À place de te manger un gâteau aux carottes, hein? J'avoue. Mais je comprends pas pourquoi ça goûte autant de gâteau aux carottes si c'est patate douce péruvienne. Mais peut-être que leurs patates douces péruviennes sont juste à côté des champs de carottes, là. Je sais pas. Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont précisé, mais t'as vu tantôt... T'as vu tantôt dans mes des descriptions de saveurs, là, quinoa andin. Ouais. Et épices, t'as humus grec et huile d'olive. Faut tout le temps qu'ils précisent l'origine de tout, sûrement pour leur donner une petite twist de plus, là, une saveur qu'on connaît moins ici. Ben oui. Herbe mexicaine du jardin, noix de coco à la thaïlandaise. J'aimerais bien essayer de noix de coco à la thaïlandaise. J'ai hésité entre les deux. Je suis quand même content de mon choix, mais... Ça, c'est très, très bon aussi. Super bon. Donc, Via World Recipes, encore une fois, c'est la saveur patate douce péruvienne. Moi, je mets mon pouce... étant donné l'aspect un petit peu trop sec, j'irais sur le côté. Ah oui, moi, je vais le mettre en l'air. Bon, partagez un peu. Ouais. Ça a du sens. Ouais. On écoute une pièce de Ben Sinister que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. On l'aime beaucoup. Après ça, on va revenir tout à l'heure avec la deuxième partie d'une grosse pointe adresse. Mais pour l'instant, voici Move a Little Slower. Sur C'est Fou, 89. FM. C'est toi qui joues du piano, non? Oui, oui, oui, c'est ça. C'est ton clavier. Exact. I spend my days without you standing by my side, and I wonder when my feelings won't give up and hide. You got up in these fast times and I feel left behind. If only I could speak my heart, I'd say what's on my mind. 'Cause if it is your plan, does it make me less a man? What's life? Fast times and I feel left behind. If If only I could speak my heart, say what's on my mind. Je pense que je ne t'aiderai jamais. Je pense pas non plus. Tellement bon. C'est merveilleux. Move a little slower. The Band Sinister. On prend une pause et au retour, c'est la deuxième partie d'une grosse pointe d'adresse avec des nouvelles de fast-food. Oh, qu'on a! Dans deux minutes. Vous êtes assez tassé pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Vous êtes de retour dans l'émission matinale Assemblage requis avec Mathieu Plante. Mais Tania Baudin. Oh, que oui. Ah, une chance que ça existe, cette émission-là. En effet, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on ferait nos matins sinon? Je sais bien pas. Dormirais? Probablement. On est ensemble du lundi au vendredi. En passant, demain, nos meilleurs moments de la semaine s'en viennent. C'est fun, ce vendredi matin. Mais il nous reste encore une petite demi-heure à remplir. Et on va la remplir de très bonnes choses, hein, de nouvelles de fast-food. Mais comme je veux pas faire une autre chronique de 30 minutes comme j'ai fait, faut se calmer un peu les nerfs. Mm-hmm. On écoute une autre petite chanson. On a du temps aujourd'hui. On écoute une nouvelle entrée de Corridor de cette semaine. Voici du Moyen-Âge à l'âge moyen. corridor et du Moyen-Âge à l'âge moyen. Oh oui! Oh, que c'était bon. Corridor, hein, ça va être quoi après ça? Là, ça va être genre... Chambre forte. Chambre forte, c'est bon. Je sais pas. Coffre fort. Ah, coffre fort. Fort, attends pas. Fort à joue. Je m'en allais sur quelque chose. Je sais pas trop. Bref, maintenant... Oh boy! C'est la deuxième partie d'une grosse pointe d'adresse. Corridor, dans debout. Puis là, tu repasses à la vraie chanson, petit garçon, c'est ça. C'est pas pire, hein? Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on déguste quelque chose en première partie tantôt, et là où on parle de nouvelles de fast-food, c'est ce qu'on va faire pour le reste. Et comme c'est la semaine de l'Halloween, faut terminer les nouvelles d'Halloween. Ben oui, pas choix. La semaine passée, j'ai fait un gros blitz, il y en avait comme 20-25, je sais pas trop quoi, mais il en reste encore quelques-unes. Pour commencer, les Skittles d'Halloween, qui sont là pour tromper vos papilles gustatives. Oh. Ça vous joue des tours. Les couleurs ne vont pas avec la saveur. Mais voyons. Ça, c'est pour les gens qui mangent leurs Skittles un à la fois. Moi. On s'entend que j'en prends une grosse poignée, puis les couleurs sont vraiment pas importantes du tout. Moi, je les mange un à un. Là. Tellement, est-ce que t'en gardes pour la fin des couleurs précises? Pas le rouge. Sois pas aussi mainstream que garder les rouges pour la fin. Non, j'y vais souvent avec le mauve. Ah, bon, tu vois. Déjà, c'est mieux. Ouais. J'aime ça. Donc, c'est l'utilisateur d'Instagram Candy Hunting qui a partagé cette petite trouvaille, ces deux éditions limitées de Skittles chez Walgreens, les pharmacies aux États-Unis. T'as les Cauldron Skittles, donc en emballage orange. C'est un produit qui a des saveurs festives comme le citron. Les festivités, c'est les jeux de mots qu'il y a dedans. Okay. Lurking Lemon. Mm-hmm. Petrified Pear. OK. Twisted Tangerine. Mm-hmm. Boogie Berry. Ouais. Et Gripping Grape. Pas pire. Tu sais, mais en même temps, il n'y a rien d'épeurant à part les noms. C'est ça, exactement. Alors ensuite, l'autre qui est important, celui-là qui est un petit peu plus intéressant, c'est le Trick Please Skittles en emballage bleu. C'est nouveau et c'est comme les Skittles Riddles d'il y a quelques années, dans le sens que les Skittles ont des couleurs qui ne vont pas avec leur saveur. Il faut deviner laquelle tu manges. Ben, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus, là. Quand même. Uh-huh. Intéressant comme projet. C'est vrai? Et Skittles, savais-tu, est fier commanditaire de la NFL? Ouh, je savais pas. T'sais, t'es tout le temps genre la boisson gazeuse officielle des Canadiens. Mais t'sais, ouais. T'sais, la compagnie d'assurance de voiture préférée des de telle équipe, je sais pas. C'est n'importe quoi. Ensuite, le sushi d'Halloween, connais-tu ça? Le sushi d'Halloween. Le sushi d'Halloween, c'est particulier, hein? Donc après les tacos sushi, les bang sushi, les sushi burgers, hein? Ici, les Halloween sushis. Donc, c'est esthétiquement très Halloweenesque, ouais. Donc c'est parfait pour les Instagram de ce monde. C'est mignon. Hein? Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... un petit peu, c'est... C'est que t'as pas de poisson pantoute. T'as pas de poisson pantoute, c'est... En tout cas, je regarde les photos, il y a pas l'air d'avoir de... C'est pas mal du riz, hein? Ouais. Sinon... Du riz des avocats. Du riz des avocats. Des algues. Ouais. Okay, j'essaie de chercher le reste des ingrédients. C'est un restaurant japonais, oui, voilà, où tu peux créer des citrouilles avec du saumon frais et du nori. Ah. Une mayonnaise épicée et de la sauce de, voyons, eel, c'est lequel déjà, eel, c'est le une anguille, voilà. Oui. Oui, sauce d'anguille, voilà, pour faire les citrouilles. C'est joli. Sushi d'Halloween. Ensuite, si tu te déguisais pour un clown pour l'Halloween, t'avais droit à un Whopper gratuit chez Burger King. Non! Oui, même gratuit, je suis pas sûr que je mangerais un Whopper. Non. Moi, oui, non. Sûrement. Hey, c'est énorme! C'est pas le meilleur hamburger au monde. Oh là là. Bref, différents Burger King aux États-Unis offraient un Whopper gratuit si on venait habillé en clown entre 19h et 3h du matin à les restaurants de Miami, Boston, LA, Austin et Salt Lake City. Donc, c'est ça. Il fallait participer en se présentant là. Les 5 premiers qui portaient un costume gratuit avaient droit à un Whopper. Mmh. Ensuite, on a terminé pour l'Halloween. C'était vraiment juste des restants, pas super intéressants. Il y a Frito-Lay qui révèle une nouvelle saveur de Sun Chips aux patates douces. Okay. Ça m'intéresse. On a goûté tantôt à des petits craquelins, des petits bars aux patates douces. Mais là, ici, plus mainstream Sun un peu. Sun Chips. Ça doit être bon. C'est quelques-unes de mes croustilles préférées. Moi Sun aussi. Chips. J'adore ça. Donc, nouvelle saveur automnale, Sweet Potato Sun Chips. Et t'as aussi Rosemary and Olive Oil Smart Food Delight Popcorn. Ça, c'est un popcorn Smart Food, huile d'olive et romarin. Hein. Les nouvelles Sun Chips, c'est donc des patates douces comme ingrédient principal. Grains entiers, sans saveur artificielle, sans agent de conservation. Édition limitée jusqu'à la mi-décembre aux États-Unis. le prix suggéré 3,29$ américains pour un sac de 7 onces. J'ai bien hâte de voir parce que tu vois qu'aux États-Unis, ils ont un nouveau logo pour Sun Chips. Au Canada, on a encore l'ancien logo, donc je pense qu'on est en retard sur pas mal d'affaires de Sun Chips. Je me demande combien de temps ça va prendre avant qu'on les ait. Mm-hmm. Ça me fait douter. Ensuite, les Doritos Crunch Mix. Tu connais les mélanges Crunch Mix? Là, on a déjà goûté à plusieurs, là, que ce soit chocolat avec peanut, avec bretzel, avec morceaux de, je sais pas, de Reese's dedans. Il y en a plein des mix comme ça qu'on voit en épicerie. Ben, Doritos, évidemment, veut embarquer dans cette vague. Avec leur Crunch Mix, c'est des collations au fromage nachos ou au Cool Ranch. Donc, tu as des petites torsades, des genres de Ringolo triangulaires. T'as des peanuts enrobés d'un croustillant aux Doritos. Plein de choses comme ça. Donc c'est chez 7-Eleven aux États-Unis en ce moment. Voilà. Rien de... oui, on a les descriptions en arrière. Crunch nut, donc une noix, une peanut croustillante. Bouchée de bretzel. Des puffs, donc c'est comme des genres de soufflé. OK. Au fromage. T'as un triangle 3D, c'est vraiment pareil comme les Ringolo, mais en triangle. Et t'as le corn stick, des bâtonnets de maïs à l'intérieur. Donc c'est les deux ont les mêmes affaires dedans. C'est la saveur qui change. Donc ouais, c'est ça. Cool Ranch et nacho cheese. Mm. Ensuite, ça, c'est juste un fait intéressant. Ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec grand-chose. C'est PFK sur Twitter qui suit exactement... Tu connais la recette de 11 herbes et épices? Ils suivent sur Twitter 11 herbs et des spices comme dans les 5 Spice Girls. Hein? C'est donc sur Twitter de KFC aux États-Unis. Ils suivent exactement 11 personnes, donc 6 hommes qui s'appellent Herb et les 5 membres des Spice Girls. 11 Herbs and Spices. Fantastique pour la recette du colonel, inventée dans les années 40, en fait, par le colonel Harlan Sanders à l'été 1940. Ça a été découvert très récemment, même si j'imagine que ça fait assez longtemps que c'est comme ça sur Twitter, mais on vient de le découvrir par l'utilisateur de Twitter qui s'appelle Edge. Donc, si vous vous demandez quelles herbs, les herbes que PFK suit, Herb Scrivener, qui est écrivain et producteur web pour Deseret News, Herb J. Wesson Jr., qui est le président du City Council à Los Angeles, Herb Waters, qui est le cornerback des Green Bay Packers, Herb Dean, qui est un arbitre de la UFC, Herb Sendek, qui est le coach principal de l'équipe de basketball de Santa Clara University, et Herb Alpert, un musicien jazz célèbre. C'est le A dans A&M Records. Wow. Donc, ce sont les Herb que PFK suit. Ils suivent les 5 Spice Girls, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est assez malade. C'est très drôle. Voilà pour ce segment de nouvelles. Et maintenant, la surprise qu'on attendait depuis le début de l'émission et qu'on espérait pouvoir vivre ensemble est maintenant devenue réalité. Oui! C'est Marilyn Doyon, notre célèbre Cordoyon Bleu. Bonjour. De la chasse galée. Comment vas-tu, Cordoyon Bleu? Bien, désolé du retard. Ben ah, ça va. C'est pas un retard quand tu dis je vais peut-être venir et écrivez-moi avant, c'est ça? C'est pas vraiment un retard. J'ai tellement pas regardé mon téléphone un matin. Et là, en plus, j'imagine que t'es pressé parce que le rush va s'en venir, hein, c'est ça? À quelle heure le rush du matin? Ben, malheureusement, il reste un burrito puis on vient de le vendre. Parce qu'on s'en allait là, ça va faire chercher un burrito! Mais ça dégèle, fait que. Ouais. Ah, okay, les pitas dégèlent. Mets-le dehors à la pluie, puis. Ça va dégeler. Dans leur sac, là, évidemment. Bref, Marilyn Doyon qui est là pour nous parler du nouveau menu du mois de novembre de la Chasse Galerie. Nouveau menu très excitant avec des retours et des nouveautés. Oui, mm-hmm. On aime ça. Est-ce qu'on commence par les retours du menu du midi? On peut y aller pour les retours. Je te dirais qu'il y a le mac and cheese qui est de retour. Le mac and cheese avec une formule revue et améliorée. Parlons du changement de la recette un peu. Le fromage a changé. J'ai mis beaucoup plus d'amour dans la ballonnée. Maintenant, il est sous-vidé, fait qu'il marine beaucoup plus que... Ah, t'es rendu dans la mode sous-vide, toi, là. Oui. Ça fait longtemps? Oui. Parce que tout le monde parle de ça, là, le sous-vide. On s'entend. Ça doit faire 2-3 mois. C'est quoi le principe d'un sous-vide? Ben, tu viens enlever l'air. Ouais. Donc, ça vient vraiment tout pénétrer. Mettre ensemble, tout ouais, c'est ça. Simple. Et ça, apparemment que c'est vraiment pas compliqué à faire du sous-vide. Non, c'est vraiment pas compliqué. Cool. C'est juste de prendre la machine. C'est ça. C'est-tu cher, cette machine-là? Ben, t'en as au Cayenne Tire. Cayenne Tire. Ah oui, hein. Peut-être... Ben, l'autre fois, j'en ai vu une à 34 en spécial. Et bon, c'est pas pire. Mais il y en a à 200-300. Ouais, ah, ouais, c'est ça. Mais il y a tout à pas mal, plusieurs milliers sur le mandat. C'est ça. Donc, t'as changé la ballonnée. Est-ce que tu dis la ballonnée ou le ballonnée, toi? Je sais plus. C'est ambigu. je dis les deux, pour vrai, je sais pas. À l'alterne. Et t'es en train de trouver mes questions ridicules. Non, mais non. Et ton fromage, style, je dirais style nachos un petit peu. Ouais, c'est ça aussi. C'est vraiment, ouais. Ah, c'est vraiment bon. Et c'est très, très, très délicieux. Pour vrai, le macaroni au fromage, là, si vous l'aimiez à l'automne. Vous allez l'adorer. Vous allez capoter dessus, vous allez comme faire, mets-le-moi directement dans la bouche. Ouais, oh, ouais. s'il te plaît. ça, c'est le macaroni au fromage. Oui. Quoi d'autre comme retour? Le croque-monsieur. Ah, le fameux croque-monsieur. Qui, officiellement, en tant que tel, comme on t'a déjà dit à un moment donné, est pas mal un croque-madame. Là. Oui. Mais il va changer pour un croque-monsieur en janvier. C'est quoi la différence, non? Le croque-monsieur est servi avec autre chose que des légumes et une salade. Ah? Ah. Eh bien. Je vous dévoile un scoop en même temps. Ben c'est ouais. ça. On va bien voir. Il est servi avec une soupe. Non, de quoi plus Monsieur Cochon, là? Monsieur Cochon? Oh. Monsieur Cochon, ça peut être des pétates. Oh! Ah, qu'on pourrait faire des gags inappropriés. C'est ça avec une saucisse. Là, c'est ça, exactement. C'est mon oncle Cochon. Mon oncle Cochon. Donc, le retour du croque-monsieur, tout le monde apparemment posait la question quand va revenir le croque-monsieur. C'était un des plats les plus populaires, tu m'as dit. Ben, c'était mac and cheese et croque-monsieur, les deux qu'on se faisait le plus le dire. Mais croque-monsieur est pas mal très vendeur. Oui. Non, ils sont pas mal égales, en fait. Ah, les deux sont... Je sais pas ce que tu y fais, là, mais tout est relevé là-dedans, c'est magnifique. Ouais. Ça, c'est pour les retours qu'on aimerait bien... Non, il y a le Pork Ball qui est parti pendant un mois et qui a créé la panique totale. T'as raison, c'est dans une autre colonne, je l'avais pas vu. Oui, le Poké Ball, il était parti pour quelle raison? Parce que tu voulais varier? Parce que je t'étais de le faire. Ah, bon. Mais les gens ont tellement aimé que je n'ai point eu le choix de le ramener. C'est ça. Qu'est-ce qu'il contient, ton Poké Ball? C'est un sushi déconstruit. Ouais. C'est simple. Donc, la viande est du thon rouge. Il y a du riz, concombre, mandarine, wakame, sriracha, sésame, oignon vert et notre fameuse sauce poke. Ah, c'est tellement bon. Ça, pour ce midi, je pense. Ouais, j'ai peut-être pas le dire. C'est pas. Oui, le croque-monsieur, t'as mangé le croque-monsieur hier, il me regardait, là, puis il était comme « mange-moi ». Moi, je vais remanger du mac and cheese parce que je sais qu'il va repartir à un moment donné. Ah, c'est bien. J'ai une autre nouvelle pour vous. Oh! Il va être permanent. Il y en a plus. Il y en a plus aujourd'hui. Le menu que j'ai en ce moment est fixe. Novembre. Puis en janvier, il va avoir d'autres ajouts. Oh! Le menu va être celui-là. Il va rester oui. en permanence. En permanence. Et le mois de décembre, il se passe quoi? Le mois de décembre, on garde celui-là. Ouais, donc parce que celui-là, c'est pour. On rajoute une tourtière. Mais en janvier, on tombe à 9. Arrête donc! Hey, ça, OK. Wow. Là, la chasse-galerie va de mieux en mieux. On s'entend. Vous êtes en feu! Les sandwichs, après ça, les sushis, après ça, le déjeuner. Avant de passer au déjeuner, par contre, il y a des nouveaux plats dans le dîner. Dans le dîner? Dans le dîner. Oui! Non, oui? Je ne sais plus. Non? Ah! Non, non. Il y a juste le vegan thai puis le poulet qui sont restés. Oui, c'est vrai. T'as raison. Vegan thai, c'est juste des retours et des préférés. Voilà. Sont restés. OK. Donc là, ça veut dire qu'on peut passer au déjeuner. Le déjeuner qui contient présentement encore une seule chose parce qu'on n'a pas les possibilités de faire le reste du menu. Donc parlons. Il y a le LT que j'ai une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Mais là, ça va se régler. C'est rare que je le vois s'arranger. Je le vois pas souvent, moi. Nous autres, on y va à 10h, il est rarement là, le LT. Il s'en vient. Il va toujours être là. Je vais avoir des pains toujours. Puis de la salade, puis des tomates. Et sur son puis la mayo est vegan totalement. C'est nous qui l'a fait maison. Oui, puis elle est tellement bonne. C'est vrai. Le burrito. Oui. Toujours là. Bacon ou saucisse. Oui. Ou les deux. Pour un extra. Et voilà. Ou aucun. Puis là, tu changes des fois pour d'autres choses. On c'est verra. Ça. Okay. Oui, bien là, fait? J'ai fait ça cette semaine. C'est du bacon de tofu que j'avais déjà fait dans le, dans le LT. La salle. Ouais. BLT vegan. Ouais. Bon, mais je l'ai ramené et je peux le mettre dans le burrito. Bon. Oh là là. Parce que Tania, des fois, elle demande sans viande. Hein? Oui. Bien là, il peut y avoir... le faux bacon. Le faux bacon. Holy moly. Hey, hein? Là, ça change tout. Ah ouais, il dégèle des pitons, on s'en vient. quoi d'autre? Oui, le nouvel horaire. Oui. Qu'on a besoin de dire quand même. Oui, donc c'est de 11h à 19h30. Avant, les dîners arrêtaient à... 14h. 14h. Et des fois, on arrivait puis il était trop tard. C'est déjà arrivé. Là, maintenant, on va pouvoir continuer ça jusqu'au soir parce qu'il n'y a plus vraiment de... Menu 5 à 7, sauf pour les nachos, si je comprends. Il y a nachos puis pita guacamole qui sont restés. Quand même un bon choix. Ben, c'est les deux préférés, fait qu'on s'est dit qu'on va les garder. Ça. Et voilà. Et vous pouvez prendre un dîner, et plus nécessairement pour emporter. T'en fais quand même des pour emporter, par contre. Oui, pour emporter et Des dîners. Des dîners, oui. Toujours pour emporter, puis pour manger. Mais tu peux les manger sur place jusqu'à 19h. Oui. C'est ça? Oui. C'est bien ça. 30? Ouais. Encore mieux. Parce que les gens l'amènent dans leur cours, des fois, leur petit repas. Ben oui, exact. Mais nous autres, des fois, on arrivait puis il fallait qu'on se fasse servir un pour emporter. Puis on aime ça, l'avoir fraîchement fait avec l'amour de Marilyn. Tellement bon. Tu sais? Il n'y a pas juste moi, là. Non. J'ai une équipe. A wonderful Mathieu. Team. Une équipe de plus en plus grosse. Il faut le mentionner. Hein? Ils sont nombreux, quand même. Ils sont on quoi? Est... 3, 4? 4 ou 5? 5. 5? 5. C'est beaucoup. Oui. On les salue. Mais 5 avec moi, là. OK. Je me compte dans le... Qu'est-ce qu'ils font, les autres? Assistants? Sous-chef, assistant, puis les deux prep master, je te dirais. Ah oui? Cool. Fait que personne à la vaisselle à titrer. Tania me disait ça l'autre fois. Non, tout le monde fait ça. Oui, tout le monde fait ça. Tout le monde le fait. Mais on aime vraiment beaucoup votre nouveau système aussi de vaisselle. Pas mal plus simple pour vous autres. Ah, mon Dieu, tellement. Les bacs, là? Ah, oui, oui. Ça aurait dû être fait dès le départ, c'est mais pas grand monde comprend, mais oui, c'est principalement très intéressant comme principe. C'est ça. Ça prendrait une pancarte lumineuse avec... Ouais. C'est ça. Ouais. Ustensiles, puis... En tout cas... Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce que tout est dit? On peut avoir un breuvage pour $1 de plus. Ouais. On peut avoir une bière pour 2,50 de plus, si je m'appelle bien. Un 10-11. 10-11. Du trou du diable, en plus. C'est fort, c'est moins cher qu'au trou. Hey. Incroyable. Donc, c'est $5.50. Ta soupe. 5,25. Ça, qui est 25. Ta soupe est toujours incroyable. Que nous présentes-tu aujourd'hui? Une crème de navet. Oh! Oignon, pas caramélisé. Oignon rôti et sirop. D'érable. Oh my god! Aïe. Je veux une soupe live! Elles sont révolutionnaires pour nous, ces soupes-là. C'est incroyable. Tu sais, quand t'es habitué à. On n'est plus habitué parce que ça fait longtemps qu'on mange seulement chez toi, là. Mais quand t'es habitué aux soupes de la cafétéria, super salé. Puis là, t'arrives. T'arrives là, puis tu fais comme. Oh, bon. Oh, c'est un délice en bouche. Vous savez pas ce que vous manquez si vous allez encore à la cafétéria. Ah non, vous savez pas. Vous savez pas, la chasse-galerie. On va faire de la diffamation si on continue c'est comme ça. Fait qu'on va juste te remercier, Marilyn Doyon. Ben, merci à vous. Puis on espère te revoir, en tout cas, au moins t'en reparler en janvier. Tu dis que le menu est pareil en décembre. Oui, mais en janvier, il y a 3 nouveaux, je pense. Ah, commence pas à nous titiller comme ça. On a déjà titillé de même. Là, les 4 nouveaux. Oh, 4! Et vendredi, t'as encore des sushis? Oui, ça revient. Oui. Oh. La semaine passée, c'était la relâche. On l'a fait comme il n'y a pas assez de monde. Oui. Mais ça revient. Oh. Bon. Demain, il y a des sushis. Marilyn est comme excitée en même temps qu'elle craint de devoir faire ces sushis-là. T'sais. Ça paraît dans ta face un peu. T'es partagé. Oui. L'effort que ça demande. Le mais travail imagine. Derrière tout ça. Ça vaut la peine dans la bouche. Ils merci, bon. Marilyn. Cordoyon bleu! Un jour, elle s'en servira. Un jour, ça sera c'est un hashtag. Pour l'instant, elle a l'air plus de pas vouloir. Ouais, c'est ça. Arrête de m'appeler. Pour l'instant, j'ai hâte à ma fin de semaine. Ça s'en vient. Elle travaille fort et elle travaille des heures incalculables. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps là. Ouais, moi, ces temps-ci, mais je le fais chez nous. C'est pas bien mieux, c'est ça, côté non. Temps. Hein. Bref. Merci encore. Ben, fait plaisir. On s'en va en musique pendant ce temps-là, avant de se terminer l'émission. On va souhaiter à Marilyn de pouvoir quitter le campus, ou en anglais, go off the lot. Donc, on écoute Milk Belly et la pièce de ce même nom. C'est fini. Thank you. Et si le temps me blesse, que l'heure est lente, oh, oh, on est là, plongé au fond. Héros ou ennemi, personne veut le savoir. Un bloc qui te décape les oreilles. Oh que oui. Octoplate avec Héros ou Ennemis, c'est là-dessus qu'on termine l'assemblage requis pour aujourd'hui. Mm-hmm. Quelle belle émission de 3 heures, même si on avait seulement une invitée, Marilyn Doyon. Oui, exactement, qui est restée... qui est venue faire la surprise de l'émission, en mais fait. Mais ça, le petit punch, là, c'est comme le petit punch, mm-hmm. avec la louche pis tout. Exactement. Elle, c'est le punch, moi, je suis louche. C'est ça. T'sais, pis toi, t'es ben, la non-alcoolisée. Exactement. Je suis la caféinomane. C'est ça. On remercie pas Catherine Langlois, mais on va la revoir probablement dans 2 semaines, j'imagine, pour probablement, sa prochaine. Probablement. Hey, écoute, écris-nous. Qu'est-ce ben oui. que s'est-il passé? C'est pas un problème, ça arrive. On t'excuse, on te pardonne. Sinon, ben, Colin, lundi à l'émission, encore du plaisir de prévu. Hein. Lundi, c'est Xavier McLeish qui va être là pour sa chronique. Ou Alfalfa, dépendant de la semaine. Mais quand on même, sait jamais. Ça devrait arriver. Sinon aussi lundi, Alicia Lemieux va être de retour avec sa collègue éco-environnementale. Et puis on va recevoir, enfin, si tout va bien, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une émission du lundi, si on y pense. Ouais. Anthony Morin va venir nous parler d'un projet de l'association hey, étudiants en sexologie. Si tout va bien. Restez sur nos ondes, parce que plus tard aujourd'hui, on va être de retour à midi pour les Palmarès C'est fou. Ensuite, à 13h, c'est la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 19h, c'est Très Blues Assez Fou, mais dans une heure environ, Patriote en action. Ça s'en vient. À demain. Ben oui, à demain. À 7h, ben oui. Franchement, les soyez là, là. Bon café, tout le monde. Oui. On va être là, tellement. Hey, bon burrito. J'ai pas. Ils sont de retour. Ouh là là. C'est vrai, ils étaient partis. Faut le dire, hein. Breaking news. Ouais, ils étaient partis, ils sont revenus. Les gens aiment ça, les breaking news. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca.